Un certain lutteur a dit qu'il allait voter le Q à CM Punk, mais finalement il n'a pas récupéré le titre. Salut, c'est Wrestle Radio. Et nous allons bien évidemment parler de Night of Champions avec mes acolytes de toujours. C'est Verpa Doro qui est là ce soir avec moi. Salut Verpa. Salut Gus. Vincent était là et là aussi. Gus, t'as reçu une intro, fin de croix dans le calendrier. Oui, c'est la deuxième de suite. Tifo et Toilette, Sébastien. Bonjour tout le monde. MP est là. Salut à tous. Broustier également. Salut tout le monde. Bonjour. Alors je ne sais pas si Tifo est revenu. Tifo est là. Bonsoir Tifo. Bonsoir à moi-même. Bonsoir. Je suis là. Je suis revenu des toilettes. J'ai fait une très bonne. Enfin voilà. C'est un caca ou un gros pipi? C'est un gros pipi. Et Kevin, notre ami Kevin, il est de retour, mais sur le chat, parce qu'il a des. Encore des problèmes de micro, le pauvre. Et il nous dit hello. Allez, c'est parti. On va bien évidemment donc parler de Night of Champions avec tout ce beau monde. Nous vous donnerons la parole également. Nous avons choisi trois réactions que nous avons reçues sur Facebook concernant le pay-per-view. Nous vous parlerons des shows de WWE français qui auront lieu dans le mois d'octobre. Hein. C'est ça, messieurs. Et oui, 1er novembre à Nantes. Les autres dates? Bah, le week-end d'Halloween, en gros, quoi. Voilà. 31 novembre à Nantes et Lyon et 31 octobre à Strasbourg. D'accord, merci. Merci de cette information. Allez, c'est parti, jingle de Vincent. Et on va débuter par le pré-show. Allez, à tout de suite. Oh, radio, tell me everything you know. Merci pour cette transition, Tifo, parce que le pré-show concerne Zack Ryder. Il a remporté cette bataille royale qui était prévue être challenger de titre US. Le match a duré 5 minutes et 43 secondes. Alors attention, il a battu Heath Slater, Michael McGillicuddy, Ted DiBiase qui a fait son retour, Primo, Jinder Mahal, Epico, Justin Gabriel, Tazen Kid, Brodus Clay, JTD, Drew McIntyre, Santino Marella, Titus O'Neil, Darren Young et Tensai, qui était accompagné de Sakamoto comme d'habitude. Alors messieurs, bon pré-show, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un pré-show aussi intéressant sur YouTube, ça fait plaisir. Qui l'a vu? Moi, je l'ai vu. Donc Verpa, Vincent, Sébastien l'a vu en live avec moi. Est-ce qu'MP l'a vu? Non, il n'a pas vu, non. Moi non plus. D'accord, ben allez, c'est parti. Ben, Vincent, tiens, ton avis sur le pré-show. C'est la deuxième fois qu'on a une bonne bataille royale, je trouve. Je sais plus quand c'était la dernière fois. C'est pas la bataille royale pour Over the Limit, je crois, avec Christian qui gagne. Ça fait deux fois qu'on a une bonne bataille royale. Alors, la bataille royale, c'était l'opener du pay-per-view à Over the Limit. Ouais, avec Christian qui gagne et qui fait son retour. Donc j'avais raison. Puis en plus, il y a eu des bonnes petites séquences. Je trouve que la fin n'était pas con, enfin, elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais... Je trouve que c'était bien fait. N'empêche, Ted DiBiase, le retour de merde. Ah ben attends, j'ai jamais vu pire retour que ça. Le mec, il revient. Normalement, ça aurait été le moment parfait pour le montrer un petit peu. Il est resté 1 minute 30 sur 1. Et encore 1 minute 30, je suis gentil. Bah, il est éliminé en 2 ou 3ème. Deuxième, ouais. Deuxième. Celui avant, c'est Slater, ouais. Ouais, non, une bonne bataille royale, j'ai bien aimé. Qui d'autre l'a vu parmi vous? Moi, je l'ai vu. Ouais. T'as pensé quoi? J'étais content au début d'avoir vu le petit segment avec Slater, je trouvais que ça collait bien à son personnage, et puis c'est une bonne façon de le voir, bon il est éliminé très très vite. Sinon la Battle Royale est assez bien menée à la fin, on a quand même un assez bon équilibre entre Face et Heal. Bon, on pouvait penser que Tensai allait quand même remporter le match, mais le problème c'est qu'en face de Cesaro on aurait vu un autre Heal, donc évidemment on pouvait penser logiquement que ça allait être un Face en face. Ryder, c'est pas un mauvais choix. Après, Santino Marella, ou voir Gabriel, voir Kid, c'était des choix crédibles. Mais de toute façon, des candidats au match contre Cesaro, il n'y en avait pas 50 de crédibles. Mais ah, voilà. Valait mieux revoir Zack Ryder plutôt qu'un retour de Santino Marella, c'était pas plus mal. Oui, d'ailleurs, j'ai bien aimé la fin, un peu comme l'ARPA. Victoire assez impressionnante de Ryder qui se la joue vainqueur de Royal Rumble, je sais pas vous, mais il a joué sa vie limite. Hein. On aurait cru qu'il combattait pour sa vie. Bah, il a un match de championnat au bout, donc ouais, il peut légitimement laisser exploser sa joie. Au rayon des petits reproches, il y a peut-être l'élimination de Brodus Clay qui est peut-être pas très très bien amené, c'est un peu limite. On voit que Brodus Clay n'est pas hyper à l'aise avec les passages à travers les cordes, mais sinon non. C'était vraiment relativement bien mené. Alors, on a la réaction de Kevin, il nous dit content de la victoire de Ryder, quoi qu'on dise, c'est la continuité sereine mais lente de son push. Et en plus, c'est logique, puisque c'est le champion Internet, donc il gagne un match sur Internet. C'est de logique, ah, tout oui. ça. Ah, ah, c'est vrai, oui, mine de rien. Oui, il garde sa ceinture, c'est vrai. Ouais. Plus comme ça. Je vais vous proposer de passer à la suite, messieurs. Bah, je pense que oui, il peut démarrer le pay-per-view en lui-même, ouais. Allez, c'est parti. On va commencer donc ce premier match du pay-per-view par le Fatal 4-Way. Pour le titre intercontinental, ça a duré 12 minutes et 5 secondes. Le match opposait Rey Mysterio, Sin Cara, Cody Rhodes et le Miz. Et le Miz a conservé son titre en effectuant le tombé sur, sur Cody Rhodes. Bon match pour commencer le pay-per-view, bon petit 4-Way. Je vais donner la parole à Boosty. Oui, oui, non, pas mal, c'est vrai. Après la petite déception, c'est j'ai trouvé Cody Rhodes la plupart du match un temps un petit peu en dessous niveau participation. Mais ce qui était pas mal, c'est que justement, quand ça s'est accéléré là sur la fin, il était là. Et c'est là que Rey Mysterio a disparu tout à la fin. Là, c'est un petit peu dommage. Mais bon, en même temps, Rey Mysterio, c'est vrai que, comme Verpa le dit souvent, c'est un de ceux qui est là pour vraiment faire le match. Et là, il l'a fait. Donc, il a eu une grande participation à Sin Cara qui n'a pas trop botché. Ou alors, j'ai pas trop fait gaffe. Je suis peut-être trop botché. Et The Miz était pas mal aussi, logique vainqueur, je dirais. C'est vrai que ça le favorisait même plus qu'un contre un d'être à quatre. Et vu comment ça s'est fini, là, avec cette originalité, on va dire, le masque sur la tête, il peut entamer une carrière de luchador même. Ouais, j'ai bien aimé l'association Sin Cara Rey Mysterio durant ce combat. On a bien vu que les deux étaient à l'aise ensemble. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, ils sont testés en équipe depuis 2-3 matchs et ouais, c'est plutôt efficace d'ailleurs, ça a surveillé ça. Ça marche plutôt bien. Ouais. Je suis assez content de voir Sin Cara ne plus botcher. Sébastien, réaction sur le match. Oui, moi je trouvais que le combat était très agréable à suivre pour un opener, c'est bien. Ça va dans tous les sens, il y a de l'action du début à la fin. Tu as des gars comme Rey Mysterio et Sin Cara qui arrivent à faire réagir la foule à chaque fois qu'ils se donnent. Dans le ring, donc ouais, très bon choix d'opener, résultat logique et certainement les prémices d'une association Rey Mysterio Sin Cara qui se sont confirmées dans ce combat et qu'on va certainement avoir la chance de suivre dans les prochaines semaines. Bah moi j'ai trouvé que c'était un très bon match pour commencer, à part au début où j'ai trouvé le rythme assez assez lent, j'étais pas très emballé au début, mais au fur et à mesure le match a été crescendo et au final, ça a donné un très bon match. Très content de l'opener et une victoire logique du Miz. Donc, ouais, très bon match. Il y en a un qui regarde la télé derrière, c'est assez embêtant. Oui, c'est on a le match de l'Arme. Oui. Non, je regarde Lyon, Spartak, je sais pas quoi là. Je coupe, désolé. Est-ce que tu peux baisser le son? Merci. Verpa, je sais plus si t'as donné la vie. Non, je peux parler. Non, concernant l'opener, je trouvais que c'était un très bon match, même pour le titre intercontinental. Voir ces quatre-là, c'était plutôt une bonne chose. Rey Mysterio contre Sin Cara, bon, les petits passages qu'on a vus n'étaient pas trop mauvais, sans que ce soit faramineux. C'était du correct bon, quoi, tout simplement, ce qu'on recherche la plupart du temps. Et j'en profiterai aussi pour, puisque l'une des petites nouveautés de ce numéro, c'est d'avoir les réactions des fans via la page Facebook de Wrestles Radio. Vous pouvez nous laisser vos avis lors de chaque pay-per-view, et donc on passe vos avis en direct à l'antenne de Wrestles Radio. Et donc juste pour cette première, je vais reprendre l'avis. Justement, Verpa, vous êtes de plus en plus nombreux à réagir, et ça nous fait vraiment plaisir. Merci à vous de réagir autant, et de réagir autant, oui, c'est ça. Hashtag Wrestles Radio. Il n'y a pas de hashtag. Non, sur Twitter. C'est pour Twitter. Et donc, cette première réaction, c'est un petit message de Pierre Horto sur ce match d'ouverture qui nous dit juste un petit bémol sur la performance de Sin Cara en fin de match. Donc, est-ce qu'il voulait peut-être parler d'un botch ou quelque chose comme ça? En tout cas, pour l'instant, Sin Cara, on a pu voir qu'il s'en est sorti de manière assez correcte sur ce match. Évidemment, c'est pas encore Rey Mysterio, bien sûr, mais il a pas fait d'erreur majeure sur ce combat-là. Bon, monsieur, si ça remet les pinceaux 2-3 secondes tout à la fin, mais sinon. Non, ça, c'est pas mal. Hein. La façon dont il met le masque et tout, c'est bien. Oui, j'ai bien aimé. Vincent, je sais plus si t'as donné ton avis, je me rappelle plus. Pas du tout. Ah ben vas-y. Et ben moi, je vous trouve assez gentil avec ce match. Alors déjà, de une pour la rivalité. Alors, à la limite, c'est ce qui me gêne le moins, parce que on savait pas trop qui mettre, enfin la WWE savait pas trop qui mettre en challenger. Ils ont fait des petits segments avec Cody Rhodes qui faisait chier Cara avec une caricature. Il y a le Miz qui a battu Mysterio au dernier pay-per-view. Donc ils nous ont fait un truc à 4. Bon, à la limite, s'il n'y a pas trop de rivalité, c'est pas gênant. Mais par contre, le match, j'ai pas aimé. Enfin, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait. Il n'est pas mauvais, il n'est ni mauvais ni bon. Bah, il est moyen. J'irais même moyen. Mais c'est quoi qui t'a pas plu en fait? Ah, c'est quoi qui t'a pas plu? Moi, je me suis amusé. Moi. Alors, je me suis éclaté pendant tout Pepperdine. Je sais pas vous, mais je me suis pas ennuyé une seule seconde durant le Pepperdine. Eh ben, non, mais Vincent, sérieux, c'est quoi qui t'a pas plu dans le match? Alors déjà, j'en ai marre de voir la prise, alors je sais plus comment on appelle ça, la tour infernale, je crois. Quand ils sont à 3 dans le coin et qu'ils font une super power bomb. Déjà, j'en ai marre de... La double souplex, power bomb. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais ça, c'est un classique des matchs. Oui, bon, c'est pas mal. Aussi, après. Oui, mais on le voit à chaque match à 3 ou à 4. Comme par exemple, le truc à 3 à la TNA dans le Force Continue. Bon, ouais, ah, non, mais ça ne dérange pas, ça. C'est un grand classique, donc après, oui, bon. Je veux dire, on pourrait mettre un truc original, quoi. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait rien d'exceptionnel, quoi. Et après, il y avait quelques trucs, on voyait que les mecs, ils savaient pas trop quoi faire. Genre, à un moment, je crois, il y a Rey Mysterio et Sin Cara, ils doivent s'occuper de The Miz, je crois, je sais plus trop. Et ils savent pas trop quoi faire, donc ils balancent dans les cordes, ils font un surpassement. Enfin, je trouvais que c'était pas très élaboré, quoi. Il y avait rien d'exceptionnel. Alors qu'un match à 4, comme ça, on peut avoir quelque chose de super, surtout avec les deux luchadors, puis avec Cody Rhodes qui est assez rapide, quoi. C'était quand même sympa. Par contre, à un moment, oui, c'est vrai que j'y repense, il y avait un petit passage où Sin Cara, on voyait qu'il était sur le ring, il était allongé, et puis les deux autres étaient en train de revenir sur le ring, et Sin Cara qui ressort du ring sans raison apparente, c'était un peu surprenant. Mais sinon, en dehors de ça, je trouvais que c'était assez bien amené. Par contre, on a vu pas mal le Miz parler lorsqu'il était dans les phases au sol. C'est un peu le reproche que je ferais aussi au main event, c'est que ils passaient leur temps à discuter sur le ring. Et quand c'est court, ça se voit pas, mais là, vraiment, c'était long. Peut-être qu'ils avaient besoin de cette communication, justement, à plusieurs. Sin Cara, peut-être qu'il n'est pas trop habitué à sa matière à plusieurs. Enfin, sur un ring comme ça, de WWE, peut-être qu'il y a besoin. C'était Rey Mysterio et The Miz qui étaient en train de discuter. Ah, d'accord. ça devait être eux qui étaient plutôt en train de mener le match, parce que Sin Cara suit plus oui, le match. C'est curieux, parce que c'est les deux plus expérimentés, ouais. Après, c'est juste dommage que Cody Rhodes ne se fasse pas plus remarquer dans les matchs à plusieurs. C'était déjà ça dans le match Money in the Bank à l'époque. Je trouve assez discret, lui, dans les matchs à plusieurs. Plus efficace dans les matchs 1 contre 1, moi, je trouve. Bah, il n'a pas un style flamboyant, donc il sort pas de prises exceptionnelles qui sortent du commun. Surtout quand tu as Rey Mysterio et Sin Cara en face, tu retiens plus les prises que les deux luchadors font que par rapport à Cody Rhodes. Bon, ben, je vais y aller. Je vais faire ça court parce qu'on s'était un peu en long et en large dans ce match-là. Parce qu'on est plusieurs et tout, donc. Et je vais pointer un peu du doigt un truc que personne n'a remarqué encore, c'est que il y avait aussi la participation de JBL aux commentaires. Ah, on oui. A oublié de mentionner. C'est donc, suite un peu, je dirais, à l'accident de Jerry Lawler lors de Monday Night Raw à Montréal. Donc, voilà, je voulais mettre ça de côté un peu sur ce match-là. Dire aussi que ces commentaires, je trouve, ont quand même été d'une bonne qualité. Contrairement à des mecs comme justement Lawler, il arrive à bien pointer le passé des participants comme Cara et Ray. Leur passé au Mexique, il en a parlé un peu avec la CML, entre autres, je crois. Donc voilà, c'est bien de parler un peu du passé des compétiteurs, surtout que ça leur apporte de la crédibilité. Ça les permet de les mettre over un peu, donc ça c'est bien du côté de JBL. Donc oui, je vais passer au match que j'ai aussi bien apprécié. Contrairement à Vincent, moi je trouve que justement les spots à 3, je pense que c'est cool d'en avoir. C'est pas un match à 4 pour rien, c'est cool d'avoir des spots un peu à plusieurs justement, qu'on voit pas dans les autres matchs. Donc oui, c'est cool, je trouve, d'avoir... ce spot à 3 powerbomb suplex, je crois, dans le coin. Je ne sais plus exactement comment l'appeler, mais j'espère que vous allez bien comprendre ce que j'explique. Donc voilà, je trouve que c'était un bon match, avec, comme Tifo l'a dit, un bon rythme. Ça ouvrait bien la soirée, même si c'est pas un match exceptionnel. Ça faisait bien son travail. C'est quand même un match d'une bonne durée pour le titre intercontinental. Donc si on réussit à leur donner une bonne durée et donner des matchs d'une certaine qualité, ben, ça peut leur donner un peu de crédit, ce titre-là, qui en manque un peu comme les titres US, qui aussi en a besoin. Le tag team, la division tag team, on va en parler justement plus tard, mais ça remonte un peu en ce moment, donc ça, c'est bien aussi. Ouais, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire là-dessus. Merci de clarifier un peu. On va pouvoir passer au match suivant, messieurs. Si vous voulez bien, on va passer au match pour les titres tag team. Le match a duré 8 minutes 30. Et Kane et Daniel Bryan, l'équipe la plus emblématique de la WWE à l'heure actuelle, ont battu Kofi Kingston et R-Truth. Et enfin, quand même, ils perdent les titres. Ça faisait longtemps qu'ils devaient les perdre, de toute façon, Kofi Kingston et R-Truth. On sentait que ça allait arriver le plus vite possible. On pensait que les prime time players allaient remporter ces titres par qui. Mais finalement, heureusement qu'il y ait une idée de génie de la part des bookers de foutre Kane et Daniel Bryan ensemble. C'est vraiment quelque chose de fou. Je me rappelle, j'ai lu des trucs sur internet qui disaient que cette feud entre Kane et Daniel Bryan ne serait pas bonne, ne serait pas intéressante. Mais finalement, elle vous a tous surplanté. Moi, je suis bien content. Parce que j'y croyais à cette feud d'entrée, et maintenant on voit qu'une feud dans l'entrée et dans ils sont devenus champions par équipe ensemble, et vraiment dans un match assez très très divertissant. Brusty. Ouais, mais non, en effet, c'est vrai que c'est un genre de match un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai, ce jeu entre Kane et Daniel Bryan. C'est vrai qu'au départ, comme tu le dis, j'étais pas très emballé, là, c'est vrai, je me demandais vers où ils allaient, et puis... C'est vrai que c'est assez intéressant quand même, ils vont vers quand même un genre comédie, et puis les deux ils se débrouillent bien, ils font pas mal les choses. Bon, après le match, il a un déroulement un peu trop simple, entre guillemets, ça fait un peu penser au match qu'ils avaient contre les Primetime Players pour justement être challenger. Sauf que ça a eu le déroulement inverse, c'est cette fois-ci Bryan qui avait envoyé Kane donc sur Kofi. Mais Kofi R-Truth quand même, c'est... Ils ont été champions un peu d'anonymat, j'ai trouvé. Ils n'ont pas énormément donné de visibilité, bon, malgré eux. Et... Donc, du coup, le changement de ceinture est plutôt logique. Et juste comme ça, bon, je le dis rapidement, par avance tout à l'heure, mais ils avaient la ceinture depuis Extreme Rules comme Layla. Donc, c'est une coïncidence assez bizarre aussi, le changement de titre. Voilà. Mais ça peut que revitaliser la suite. Donc, ce changement, ouais, intéressant. Parole à MP. Je suis d'accord quand même avec Bossy sur ce match-là. On a quand même un match d'une bonne qualité. Je trouvais aussi intéressant, je pense comme Bossy l'a dit aussi, c'est un peu cet angle avec Bryan et Kane, cet angle de, comment dire, de deux partenaires qui ne s'entendent pas. Donc voilà, c'est un peu rafraîchissant parce que, en tout cas, je me rappelle dans mes souvenirs, peut-être qu'il y a eu... un truc qui s'est passé du même genre avant, mais dans mes souvenirs, il y avait aussi Cena Batista en 2008. Ça fait quand même déjà 4 ans. Il y a sûrement quelque chose qui a ressemblé à ça, mais je veux dire, c'est un peu un cliché de la lutte et que je trouve que c'est bien de revisiter à cette façon-là, surtout avec la façon qui interprète un peu cette situation-là avec... Kane et Bryan qui ont quand même deux histoires complètement différentes qui ont été ramenées dans ces segments un peu de anger management. Donc voilà, c'était bien quand même de. Surtout avec tous ces segments, je trouve qu'on pourrait quand même dire mythiques, finalement, qui ont un peu construit ce match-là. Finalement, ils gagnent le titre les deux et avec un peu ce segment backstage à la suite qui était très drôle aussi. Donc. Même si le match était bon lui-même, c'est aussi tout ce qu'il y a autour qui est évidemment excellent. Donc oui, c'est j'ai bien aimé le match, mais moi ce que j'en retiens surtout, c'est surtout les segments autour qui sont excellents, qui font de Bryan et Kane une team un peu rafraîchissante et qui sort un peu de l'ordinaire. Donc ça c'est bien pour aussi qui ça donne aussi. Ah, il y a The Tag Team Champions. Oui, ça donne aussi. Crédit à disons par équipe, je trouve ça redonne un peu le spotlight sur eux. Donc voilà. Ah ben d'ailleurs, au prochain SmackDown ou au dernier SmackDown, je sais pas quand le podcast sortira, on fait ça le jeudi. Le main event, c'est Kane et Daniel Bryan. Donc, mise en avant des titres par équipe, j'aime beaucoup. Tifo. Ah ouais, moi, franchement, super content de cette victoire parce que. Je trouve que c'est bien amené concernant Daniel Bryan et Kane. J'ai envie de dire que c'est quand même un peu what the fuck tout ça avec les segments et tout. Mais au final, ça donne un truc génial. Enfin, on voit du feu sortir des poubelles dans une salle avec Kane. Enfin, un petit déguisé avec une tête de chèvre. Enfin, c'est what the fuck. Mais au final, on voit qu'ils ont eu une superbe idée de remplacer les des prime time players, et heureusement qu'ils l'ont fait. Et vraiment content qu'ils aient pris le titre. On a vu que R-Truth et Kofi, ça s'épuisait. Oui, et puis comme l'a dit Brusty, il me semble que c'était dans l'anonymat total, comme règne. Et après, oui, voilà, après, plus grand-chose à dire. Hein. Le match en lui-même, c'était divertissant, mais ce que je retiendrai surtout, c'est l'acquisition des titres de Bryan et de Kane. En tout cas, j'aime bien les segments Anger Management et les petites disputes dans le ring, mais j'ai pas aimé le match, parce que j'ai trouvé qu'au niveau du contenu, il était pas terrible, il était assez court, je sais plus combien de minutes, 6 je crois à peu près, je sais plus. 8 minutes 30 je crois. Ouais, et je trouvais que ouais, c'était bâclé quoi, enfin, on faisait vite passer les titres à Kane et Bryan, parce que bon, Kofi et Truth, leur règne était vraiment pourri quoi, ils défendaient leur titre à Superstars, c'est dire quoi. Et puis je sais plus qui c'est qui a marqué comme message sur Twitter que... ah oui, c'est William Regal, c'est aujourd'hui, qui a mis sur Twitter qu'il est déçu de Daniel Bryan. Parce qu'il voulait faire de lui tout ce qu'il n'a pas été, et il fait des câlins dans le ring, quoi. Bah ouais, mais bon, c'est... on lui dit ce qu'il faut faire. Hein. Ah oui, c'est le Dr. Shelby qui dit, alors. Et lui, il est top. Hein. Le Dr. Shelby, il est vraiment top. Dr. Shelby, il est top. Lui, il faut qu'il soit dans le ring, il faut qu'il soit à côté en manager. Ça serait... En manager, ce serait génial. Ça serait génial. Oh, ouais, c'est ça, de toute façon, à mon avis, ça va être ça. Juste quelque chose, on va reparler vite du segment qui a eu lieu en backstage. Quand il fait I'm going to Disneyland, c'était génial. Je plains les enfants. Contre, oui, aussi. Par contre, le mec qui s'occupe des pyros va se faire virer. Je sais pas si vous avez remarqué le temps de latence qu'il y a eu entre le temps que Kane descend ses bras et ça ne faisait pas ça. Il a fait une petite erreur. Bah, si c'est pas le même, si c'est le même par contre qui avait mis le feu ou qui avait mal mis. La pancarte là sur le côté du titantron là où ça avait cramé, c'est sûr que s'il fait deux erreurs en un mois, il va peut-être un peu mal, mais bon, si c'est une équipe, ils vont régler ça en interne. Tiens, justement, vers pas sur le match. Ouais, vous connaissez tous mon amour pour Kofi Kingston et R-Truth en tant qu'équipe, donc le règne est on ne peut plus anonyme, mais alors vraiment, je trouve que l'équipe des deux, vraiment, ça collait tout à fait la vision dont on a des titres tag team depuis à peu près 3 ou 4 ans, c'est-à-dire que c'est l'anonymat le plus total, on met quelqu'un qui a pas... Bah, fin 2009 quand même, on a eu quelque chose d'exceptionnel, vous étiez même... Ah, 2009, c'est peut-être un petit peu loin, non, mais on va dire, en gros, depuis la feud qui avait eu TX Jericho, c'est à peu près mort, mais Kofi Kingston et R-Truth ont été vraiment pas affligeants, parce qu'ils ont fait le job, mais en face, c'est sûr qu'il y a une équipe qui monte, qui est pas mal, qui est intéressante, qui introduit du renouveau, donc c'est plutôt vraiment une très bonne idée. Et par contre, je souhaitais encore réintervenir vis-à-vis donc des fans qui nous ont envoyé des messages sur Facebook. Et donc, c'est Pierre Orto qui nous a envoyé le plus de détails et qui a fait une analyse match par match pour pouvoir nous donner le plus d'informations sur son avis et qu'on puisse passer son avis à l'antenne. Et donc, lui, il a trouvé que le tag team était ennuyeux avec l'histoire de Hug It Out, dit-on. Oh, donc, est-ce que ça vous a intéressé, cette histoire de câlin? Moi, je trouve ça excellent. Moi, quand j'étais petit, je regardais Bisounours, c'est sympa, oui. Sébastien, je sais pas si t'as donné ton avis. Non, pas encore. Ben, moi, j'ai trouvé que contrairement à notre auditeur Pierre, vraiment cette histoire avec notamment les câlins, c'est vraiment du vrai bon divertissement. Et parce que dès que tu les vois sur ta télé, Kane et Daniel Bryan, tu sais qu'il va se passer un truc de drôle et t'as vraiment pas envie de zapper, t'as envie de voir ce qu'ils vont faire encore cette semaine. Et en même temps, ça permet aussi de relancer un petit peu. De porter un intérêt supplémentaire sur la division par équipe en mettant les projecteurs sur deux des superstars qui ont le plus de réactions actuellement. Tu leur mets les ceintures par équipe, forcément l'intérêt sur la division va augmenter. Et j'ai aussi noté qu'ils ont fait un face turn apparemment qui n'était planifié par les bookers, mais surtout de la part des réactions du public. Ils étaient tellement acclamés que le turn était implicitement obligatoire en fait. Ouais, c'est peut-être un demi-turn même, parce que ces équipes un peu tweener, Kane est toujours entre deux, et même Bryan, là, il est un petit peu limite, il n'est pas encore complètement face. Ah, il est tweener, Bryan, depuis qu'il fait... C'est pas des heals complets comme le Miz, ouais. Mais pour l'instant, ils sont encore un petit peu heals. Ah, mais c'est vrai que le personnage de Kane, de toute façon, il y aura toujours cette ambiguïté, il sera jamais totalement face, jamais totalement heal. Bah, sauf quand il était avec le Big Show pour WrestleMania... 27 l'année dernière où il commence à faire son le geste de Santino, là c'était vraiment limite quoi. Ça collait pas du tout au personnage de Kane. Allez messieurs, est-ce que vous voulez passer au match suivant? Ouais. Oui. Allez, c'est parti. Troisième match de cette soirée opposant Zack Ryder à Antonio Cesaro pour le titre des États-Unis. Ça a duré 6 minutes 40 secondes. C'est le match le plus court de la soirée. Antonio Cesaro. Ah, par contre, tu peux redire ça en 5 langues. It's a match the short of the soirée. The short of the soirée. Allez, je t'attends en allemand et en suisse. Après, ça va être bien. Je peux passer un coup de gueule? Vas-y. Je passe un coup de gueule sur le team song de Cesaro. Oui, moi aussi. Et il est en français, hein? Oui. Ah bon? C'est un miracle, c'est ça. C'est vrai. Oui, alors en fait, c'est un thème franco, c'est un thème franco-allemand. Bah, je passe mon coup de gueule sur ce thème parce qu'il est vraiment à chier. Et c'est pas que la musique en elle-même est pas dégueulasse, mais ça lui colle pas du tout. Bah, le dernier thème en français qu'on a eu, c'était quand même Maryse, et au niveau des paroles, c'était hautement philosophique. Hein. Comment? Bon, après, tant qu'à y être, je reviens sur le match. Mmh. Il a duré combien de temps, Gus, tu sais? Oui, 6 minutes et 40 secondes. C'est le match le plus court de la soirée. Ouais, bah oui, ça se voit, ça s'est ressenti. Hein. C'était un match vite fait. C'était un match comme on aurait pu voir dans un Raw ou truc comme ça. Une victoire logique de Cesaro et puis pas grand chose à rajouter hein, de toute manière. Bah ouais, non, c'est vrai que c'est logique et c'est pas mal honnêtement. C'est vrai que moi j'attendais pas mal de ce match là, j'aime bien les deux donc et ils ont donné un très bon rythme, un match très rythmé tout le long. Bon, ce qui est chiant c'est qu'il y a l'activité d'Axana tout à la fin qui fait gagner Cesaro, mais enfin bon, c'est le rôle du heel, c'est comme ça, mais bon, sinon c'est un bon match. Vincent. Bah moi j'ai bien aimé ce match, contrairement au précédent. Parce que quand Cesaro mène le match, c'est bon. Quand Ryder revient, c'est également bon. Il n'y a que la fin que j'ai pas aimé. Parce que quand tu vois que Cesaro a dominé quasiment tout le match et qu'il gagne grâce à Xana, c'est pas très logique. Mais sinon, j'ai préféré ce match par exemple au match entre. Enfin, le match par équipe quoi. C'est bizarre, Vincent. T'as des goûts très bizarres. Le match avec Antonio Cesaro est pas mauvais, je trouve que au niveau de son entrée c'est pas mal. Bon, évidemment le theme song est peut-être à revoir, mais au niveau veste, titantron et tout ça, l'arrivée sur le ring et le fait de le dire en 5 langues, c'est pas mal. Bon, et puis il faut dire que pour une fois on a un vrai gars qui parle français quoi. Il a pas un accent, il parle quand même français assez correctement dans les mots qu'il dit. Oh, il a quand même pas un très grand accent, il se débrouille quand même très bien même en allemand. Ou en anglais, pour ceux qui comprennent, ils se débrouillent plutôt bien. Non, oui. le match était simple, donc j'ai pas trouvé que c'était gênant. C'était un match pour le titre US peut-être assez bas de gamme pour ce titre-là. Mais en ce moment, on peut pas en demander beaucoup plus. Antonio Cesaro, c'est quand même un nouveau venu, hein. Il est quand même pas là depuis très longtemps. Et donc, pour revenir toujours aux auditeurs, on a un petit avis sur Antonio Cesaro, toujours de Pierre Horto. Mais après, on va voir bientôt les autres avis qui se sont plus concentrés sur les gros matchs. Et donc, Pierre Horto qui nous dit directement... cash sur ce match Antonio Cesaro, je zappe le match en dormant. Oh, je suis pas d'accord. Il regrette encore le titre US de Santino Marella. Hein? Mais... c'est un avis. Bon, après, c'est les avis des fans qui n'aiment pas ce catch venu de l'Indie, peut-être. Hein. Ouais. Oui, alors, attends, hein. Juste dire quelque chose avant. On a eu quelque chose. Bon, je vais vous spoiler. Ceux qui n'ont pas vu SmackDown, qui ne veulent pas avoir de spoiler concernant le show, faut juste couper le son. Est-ce que c'est bon, tout le monde a coupé le son? Apparemment, oui. Parce que, bon, apparemment, c'était l'avant-dernière fois où l'on voyait Axana accompagnée d'Antonio Cesaro, puisque, apparemment, après le match de SmackDown, le SmackDown qui va arriver, là, apparemment, il dit c'est terminé. Alors, je sais pas s'il va le dire en français, mais. Antonio Cesaro. Si, il l'a dit, oui, dans les 5 langues, ouais, donc il en dit en français. Ça, c'est cool. Ben voilà, c'est une bonne nouvelle pour aussi. Oui, parce que ça signe à la fin d'Axana, je vois pas qu'on va peut-être utiliser après. Elle va retourner dans les bordels de Bulgarie. Elle est pas bulgare, elle est lituanienne. Bah, je m'en fous. Il y en a un qui est la pub de l'Est, comme dirait Brusty. Ouais, voilà. De ce qu'ils font de l'Ouest. À l'antenne, je sais pas. Oui, c'est ça, voilà. J'avais envoyé un tweet comme ça. C'est une émission PG. Oui, allez, MP qui vous souhaite réagir au propos de Vincent. Ouais, bah, j'avais pas trop compris pourquoi tu disais que l'intervention sélectionnaire n'était pas très méritée, je sais pas si on veut, mais... Enfin, moi je trouve qu'un heel qui gagne après une intervention, c'est toujours logique, d'une façon, mais bon... Ah, moi j'aime bien les heels qui savent gagner sans tricher, tout simplement. Après, je dis pas non plus qu'ils doivent tout le temps gagner normalement, mais là j'avais l'impression qu'il n'y avait pas besoin dans ce match-là, c'est tout. Bah, ça y fait une bonne hit contre Raider qui est assez apprécié du public, surtout avec son show et tout sur YouTube, comme on l'a sûrement mentionné pendant plusieurs shows cette année, mais voilà, pour moi, ça coulait de source. C'était très, très facilement, très, disons, je le prévoyais que ça allait arriver dans ce match-là. Bon, sinon, bah, pas vu que je parle de la ROH, donc je vais parler de la ROH. Ben, je vais mettre la vidéo sur Facebook, tant qu'à y être. Je vais faire un petit post pour pas retourner au dernier match. Donc ce match-ci, ouais, ben, je comprends pas aussi Verpa qui a dit que c'est un match un peu bas de gamme pour le TQS, parce que TQS, avec le règne des Sentinels, on n'avait pas vraiment des très bons matchs. Surtout, ils défendaient presque jamais la ceinture. Donc, ça, c'est bien d'avoir. Ça fait en font deux pay-per-view de suite qui défendent la ceinture. Donc, c'est presque bien s'ils pourraient quasiment le défendre à chaque pay-per-view et avoir un temps d'expression quand même correct comme celui-là. Donc, ouais, j'ai bien aimé, mais c'était pas encore une fois un match extraordinaire. Mais ça allait quand même dans ce pay-per-view qui est jusqu'à maintenant agréable. Et comme on va pouvoir, je l'espère, voir avec les notes de la fin, ça s'est continué pendant ce pay-per-view. Qui a été, ma foi, je pense, une surprise, comme Gus l'a aussi remarqué, qu'il a aussi très bien aimé ce pay-per-view, mais on en parlera plus tard. Et qui fait ce pay-per-view ? Sébastien, pour finir. Ah, pour moi, le match est passable, mais c'est quand même le moins bon combat de la soirée. Je crois vraiment que, surtout que le personnage de Cesaro ne fonctionne pas, hein. Je crois que le public... Non, c'est Axana qui fonctionne. Axana non plus, mais je sais pas, il y a quelque chose dans ce personnage qui fait que le public n'adhère pas et... Son theme song. Son theme song, ouais, carrément. Ouais, ça. Son theme song, c'est simple, j'ai fait un top 10, je sais pas si vous l'avez lu ou quoi, j'ai fait un top 10 sur les theme songs, d'Idesk, et Cesaro, je crois que je l'ai foutu quatrième, c'est pas pour rien, hein. Et ce qui est dommage pourtant, c'est qu'il est pas mauvais dans la ring, hein, le garçon, mais c'est son personnage qui cloche et c'est également un match qui ne bénéficie d'aucune construction, et donc je pense que ça se ressent dans l'intérêt que j'ai pu porter au combat, c'est-à-dire qu'il était très faible. Et la victoire en elle-même est logique, mais je pense que le règne ne va pas durer bien longtemps parce que ça ne fonctionne pas tout simplement, Cesaro. Il y a quand même un super envoi en l'air qui finit en manchette à l'européenne. Oui. C'est un peu le style ROH, mais c'était son finish à l'ROH. C'était quand même un de ses finishes à l'ROH. C'était quand même très bon, je trouvais, même dans un ring de WWE. C'est peut-être pas facile à placer vis-à-vis des contraintes prises aussi puissantes qu'en indie, parce qu'il faut pas blesser, évidemment. Il catch tous les jours, donc faut peut-être y aller quand même moins fort que sur la scène indépendante où chacun essaye de remplir son petit porte-monnaie personnel. Ouais, il le fait quand même, hein, se le fait assez souvent même. Je crois que c'est ce Bessie Price qui fait partie de son répertoire à Cesaro, et à chaque fois qu'on la voit, bon, il ne fait pas tous les matchs non plus, mais à chaque fois qu'on la voit, c'est quand même assez impressionnant. Moi, je suis, la première fois que j'ai vu ça, c'était quand lors de son premier match contre Mike Dalton à la FCW, j'ai fait « Oh, qu'est-ce qu'il fait ?» Alors, l'avis de Kevin, peu de choses à dire, vu son niveau, je trouve son titre justifié, mais bon, il n'a pas un charisme de dingue, pardon, mais c'est sa gimmick qui met. Voilà. Ah oui, non, pas sinon, il a quand même du charisme, honnêtement. Hein. Oui, non, il a charismatique, le bonhomme, ça c'est clair. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer au match suivant, messieurs. Match, le second match de plombier de la soirée, ça a duré 18 minutes et 24 secondes. C'était entre Randy Orton et Dolph Ziggler, et là aussi, quel combat, quoi. Quel combat et surtout quel finish, quel RKO de Tom qui est allé le placer d'une façon extraordinaire. Et c'est le seul match qui ne comptait pas pour un titre dans la soirée, si je m'abuse. C'est avec le match, avec le pré-show. Ah, voilà, mais je veux dire, dans le show, c'était le seul qui comptait pas pour une ceinture. C'est le seul, ouais. Et on n'a pas vu Ryback quand même. Hein. On aurait pu l'avoir en match en dehors du titre. Non, je pense pas. Non, mais non, il était déjà pas à SummerSlam, donc là, à mon avis, on va attendre qu'il ait une vraie feuille dans une foule dans un départ. Ça pourrait arriver d'une seule d'ailleurs. Revenons sur le sujet, on va donner la parole à Sébastien. Ben, pour moi, c'est le 12e meilleur match de la soirée. Avec, comme tu l'as dit il y a quelques instants, l'exceptionnel finish, le RKO là, qui était magnifique. Mais à part ça, c'est encore une fois une défaite de Ziggler en pay-per-view et ça commence à m'ennuyer un petit peu, surtout qu'il est censé être Mr. Money in the Bank et là il enchaîne les défaites un petit peu, et surtout contre quelqu'un qui va partir apparemment dans les prochaines semaines pour tourner un film. C'est à peu près la même situation qu'à SummerSlam où Chris Jericho allait partir et pourtant il a quand même remporté le combat. Donc ouais, je trouve ça un petit peu étrange de faire perdre Ziggler tellement de fois, mais bon, il deviendra champion du monde. Est-ce que ces multiples défaites pourraient amener un face turn? Ah, c'est possible qu'il fasse un face turn. Non, on l'a jamais vu dans cette situation, mais je crois qu'actuellement. Je sais qu'ils l'ont déjà essayé plusieurs fois un face turn en No Show, et apparemment ça fonctionnerait bien. Ça fonctionne déjà actuellement, hein, j'ai envie de dire, parce que le public le supporte presque à chaque fois qu'il est dans le ring. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs, un face turn de Ziggler, ça serait très très intéressant. Et s'il vous plaît, faites revenir Orton en heel, il en a besoin pour sa carrière, parce que sinon, en fait, il est complètement fade. Par contre, je vais donner la parole à Tifo. Ouais, bah c'était un bon match. Enfin, j'ai pas été plus emballé que ça, parce que, ouais, comme tu dis, Orton en face, déjà à la base, il me gave, donc j'arrive pas à être enthousiasmé par un match d'Orton. Même si je dois avouer que c'était au final quand même un très bon match. L'alchimie entre les deux était bonne. Mais ce que j'ai vachement retenu, moi, c'est le pétage de plomb d'Orton qui nous sort un doigt en plein milieu du match. Là. Je sais pas ce qu'il lui a pris au gars, mais... Et il veut tourner heel. C'est simple, il veut tourner heel, il lui montre. Ouais, il le montre, mais c'est dingue quand même comment il pète un câble comme ça, quoi. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment la raison et tout, enfin... Il est un peu dérangé, tu sais, le bonhomme entend des voix dans sa tête. Ouais. Et on a aussi pu entendre Orton dire pendant le combat à un caméraman watch the fuck out, qu'il n'aurait pas eu le droit de dire en temps réel vu que c'est pitchy. Mais faut qu'il commence à faire gaffe quand même le bonhomme, parce qu'il a déjà été suspendu deux fois. Enfin, je pense pas qu'il soit intouchable quand même. Si, il est intouchable. Ah, je sais pas. Ils diront pas. Il fait vendre. Je peux pas le dire. Vincent. Ouais, le match est bon, et vous avez pas parlé, je crois, du RKO de fin, parce qu'il était très bon. Si, je l'ai dit, c'est le dernier truc que j'ai dit, c'était le RKO final était vraiment très impressionnant et candidat à la prise de l'année. Ouais, bah un peu à la manière de Cesaro, il balance et hop, tiens, je te rattrape. Je le RKOise la tête. Ouais, non, ouais, c'était très bien, puis en plus très bien vendu par Ziggler, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ouais, non, un très bon match des deux. Alors j'ai pas vu le doigt d'honneur, j'irai revoir ça. Après ouais, c'est un très bon match, et pourtant c'était le seul où il n'y avait pas de ceinture avec la bataille royale, même si ça c'est autre chose. Mais très bon match, en plus il a duré assez longtemps je crois. Donc 18 et 40 secondes. Ouais. Et 18 et 27 secondes pour être précis. Donc j'ai bien aimé, ouais. Par contre après le face turn de Ziggler, je suis pas sûr. Peut-être qu'ils attendent le prochain pay-per-view pour faire gagner contre Orton. Et après, parce qu'on a dit, ouais, il a perdu contre Jericho, mais le Raw suivant, ouais, il le faisait dégager, donc il s'est rattrapé, quoi. Ouais, mais ça aurait pu être en pay-per-view. Verpa. Ouais, de toute façon, le principal problème envers Randy Orton, outre ses sauts d'humeur passagers, c'est quand même qu'il a un contrat de 10 ans. Donc là, on doit être quoi, dans sa 2e ou 3e année. Donc de toute façon, il serait inenvisageable de voir un licenciement ou même une mise à l'écart. Ça introduirait trop de pénalités ou de dommages intérêts envers Randy Orton. Puis surtout, on connaît le système judiciaire américain. Si un contrat aussi long allait être coupé, ça serait vraiment très mauvais d'un point de vue de la WWE sur le plan financier, mais aussi sur le plan de l'image vis-à-vis des tribunaux. Mais je vais m'attarder plutôt sur les multiples réactions que l'on avait eues sur ce match concernant de la part de nos fans sur Facebook. Donc on a un petit peu de tout, hein, je vais essayer d'être un peu exhaustif. Donc on a d'abord un premier avis d'un fan qui nous s'appelle Del Rio El Patron. Donc pour lui c'est le match de l'année, la qualité in-ring dans le Orton Ziggler était très bon, un match très très bon même, mais il a néanmoins moins aimé le doigt d'honneur qui est fait par Randy Orton avant le RKO. Par contre, Del Rio El Patron met aussi en avant qu'il a remarqué que les face étaient sifflés et que les heal étaient plutôt applaudis, donc plutôt un renversement de la part du public, ça, ce qui n'est peut-être pas forcément illogique vis-à-vis du public de Boston, qu'on connaît comme étant l'un des plus chauds des États-Unis avec celui de New York et de Philadelphie. Après, on a un deuxième avis d'un membre qui s'appelle Luca Asamwan. Donc pour lui, il est déçu que Ziggler n'ait pas caché, mais au moins la qualité in-ring du match a rattrapé ce non-cash. Donc un avis plutôt contrasté avec un cash qui n'apparaît pas, mais plutôt une bonne qualité dans le ring. Après, on a une deuxième réaction de Del Rio, le patron, qui lui aussi réagit sur ce cash. Il a cru à ce cash, à Night of Champions, mais étant donné que le nom du pay-per-view était Night of Champions, il en a déduit que le pay-per-view n'allait pas donner lieu à un cash de mallette. Mais dans les dernières réactions, on a aussi Luka Vucinic qui met en avant que Ziggler rentre pour lui dans la cour des grands et que ce Money in the Bank là, c'est une aide. Et donc, il prend le pari que Ziggler se pointera à WrestleMania avec un titre de champion du monde. Et en dernier avis, on a le récurrent Pierre Orto qui nous rappelle que pour lui, le Ziggler Orton était le meilleur match de la soirée avec ce DDT sur les barrières. Pour lui, c'était une prise énorme qu'il a adoré. Juste quelque chose sur l'avis de Luka Vucinic qui disait que c'est le match de l'année, c'est ça ? Oui, on a eu plusieurs réactions sur un match. Candidat au match de l'année, même je sais pas. Parce qu'il y a eu d'excellents matchs cette année, mais le match de l'année, pour le moment, ça reste Undertaker contre Triple H en Hell in a Cell à WrestleMania. MP. Je te rejoins, Gus, sur ce petit débat match de l'année, mais oui, je vais passer à mes réactions rapidement, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on passe quand même pas mal de temps sur les matchs, donc je vais essayer d'enchaîner rapidement. Oui, comme vous l'avez tous dit, le finish est excellent. Voilà, donc ce que je veux aussi dire, concernant le cash, moi je pense pas que Ziggler est prêt tout de suite. Il peut avoir plusieurs feuds pour le monter à la façon un peu edge. Le premier cash du Money in the Bank, ça a pris du temps, mais il s'est très bien monté pendant cette année-là. Presque un an avec la mallette, mais ça a été très efficace. Et ça l'a monté comme un main eventer. Donc voilà, ça a été. Je pense que ça pourrait être la même chose avec un Ziggler. Il n'y a pas de presse, quoi. Il y a jusqu'à juillet pour le monter, donc là il y a une feud contre Jericho, ça l'a aidé. Là, une feud contre Orton, j'espère qu'il va avoir un rematch pour gagner cette feud encore une fois. De toute façon, Orton s'en va, donc je ne verrais pas pourquoi il faisait gagner la feud à Orton. Donc voilà, je pense qu'il doit gagner plusieurs feuds comme ça, se gagner de la crédibilité, se faire un nom en tant que main eventer, et après ça il va pouvoir cacher et tout, donc... Je pense que c'est pas, il n'y a pas de presse dans ce cas-là et il faut attendre, même si je pense que la WWE, des fois, c'est un peu, on attend vraiment et on y va avec nos plans tout de suite. C'est sûr qu'on sait qu'il y a des fois des plans changent rapidement, c'est un peu ça la WWE, donc bon, peut-être que ça arrivera pas comme ça, mais enfin, c'est ma théorie, j'espère que ça va se passer comme ça. Sinon, le match en tant que tel, oui. Même si c'est pas pour moi le match d'année, c'était un très grand match. Ça, on peut dire, je pense qu'on peut dire que c'était dans les meilleurs matchs pay-per-view, même si je pense que le main event est supérieur, mais on va y revenir plus tard. On voit que Orton et Ziggler ont une chimie quand même. Ils ont eu plusieurs matchs cette année, l'année dernière, tous excellents selon moi. Donc, on voit vraiment qu'il y a une chimie entre les deux. Même si on peut pas aimer vraiment des fois la gimmick face de Orton, on ne peut qu'apprécier ses talents in ring. Comme j'ai dit l'année dernière, j'avais aussi défendu. Je trouvais que c'est un mec qui faisait les meilleurs matchs quasiment à la WWE avec sa faute avec Christian et tout. Donc je pense qu'on peut dire que voilà, c'est vraiment un des meilleurs in ring à la WWE. La WWE, il prouve encore. Donc voilà, Tifo qui me dit je devais faire court, donc je rends l'antenne. J'ai plus grand chose à dire, donc voilà, je donne le micro à Gus. Non, mais moi je le rends, moi aussi. Oui, merci, oui. Allez, j'ai attrapé à la main. Je suis globalement d'accord, on va dire, avec un petit peu divers avis, et moins ça aide d'autres. Bon, par rapport à Ziggler, là, je suis assez déçu, ouais, un peu comme Sébastien, je crois, de... qu'il perde encore un peu par view, parce que c'est bizarre, contre Jericho, il perd à SummerSlam, et puis il gagne un Raw après, c'est un peu dommage, ça aurait dû être l'inverse, moi je pense, mais Et là, contre Randy Orton, Randy Orton, il avait moyennement à gagner. Enfin, si peut-être une place de challenger encore pour affronter Sheamus. Mais bon, je sais pas, c'est assez relatif. Il a quand même un film à tourner bientôt. Il va un peu s'absenter, pas être régulier. Donc, bref, c'est un peu le résultat pas logique, je trouve. Après, le match, je rejoins, il est très bon. Bon, un peu lent dans son milieu, mais très bien organisé. Et j'ai bien aimé la fin, là, à l'extérieur du ring, que la petite destruction de Ziggler, c'était plutôt pas mal fait, et le RKO très spectaculaire. Mais sinon, pour revenir vite fait à Ziggler, je sais pas, j'aurais tendance à le comparer presque au Miz avec la mallette. Bon, lui, ça sert moins de sa mallette, mais disons que le Miz, il me semble qu'avant de cacher sa mallette, il n'avait pas énormément de succès non plus. Et ça me semble être pareil pour Ziggler. Même s'il a envoyé Chris Jericho à la retraite, on va dire, entre guillemets. Mais bon, je sais pas. Dolph Ziggler, je le sens encore il a un bon moment, ça c'est sûr, pour répondre à ta question du début, Gus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on peut passer au prochain match, qui est le match féminin pour le titre Diva, il me semble. Ah, j'avais coupé mon micro. Bah, juste c'est bien. Alors, depuis tout à l'heure, je parlais dans le vent. Juste peut-être la petite stat de Sébastien qui dit que Ziggler n'a pas gagné un seul match en pay-per-view cette année, pour l'instant. Si, à part le Mania Bank. Et je rectifie aussi, puisqu'il a gagné un match à WrestleMania, c'était un match à plusieurs. C'était l'équipe Lori Nightis. Ah oui, c'était l'équipe Lori Nightis, effectivement. Donc, en solo, il n'a gagné que le Money in the Bank. C'est le syndrome Cody Rhodes, mais à la différence que lui, Dolph Ziggler a toujours des bons matchs quand même. Je suis d'accord. Allez, messieurs, on va pouvoir passer au cinquième match de cette soirée. Le match de Diva, ça a duré 7 minutes et 5 secondes. Liv, qui a remplacé Caitlyn en début de pay-per-view, parce que Caitlyn s'est apparemment blessée, je sais pas trop quoi. Non, bon, alors rapidement... Très beau jeu d'actrice. Oui, c'est que... C'est qu'en fait elle aurait jamais dû être la challenger lors de la battle royale qu'il avait déterminé justement adversaire de Layla. C'était pas elle qui devait gagner en fait. C'était qui? C'était Yves. C'est pour ça qu'ils ont fait ce jeu là en dernière minute. C'était hyper prévisible, honnêtement. Est-ce que c'est vérifié ce que tu dis? Parce que à Raw, quand elle a gagné la bataille royale, quelques secondes après, on a vu le graphique New Number One Contender Caitlyn. Donc ça, c'est préparé à l'avant, je pense, c'est pas... Non, ça se fait directement. Non. Ah, moi, je l'ai lu sur un nombre considérable de sites plusieurs fois, là, dans les 3 semaines qui ont suivi ça, justement, que c'était pas prévu. C'était une rumeur qui tournait. D'accord. Ouais, bon, le match n'était pas faramineux. Mais non, le spécialiste d'Iva, vas-y, après nous, on passe. Ah, c'est bon, j'ai regardé moins de matchs ces derniers temps, plus Courira, la moitié blessée, donc j'ai moins de choses à dire. Mais... Oui, concernant le dernier match féminin de Night of Champions, c'était pas faramineux. Bon, Layla, par contre, malheureusement, d'habitude, on peut en dire beaucoup de bien parmi le roster des divas, mais là, franchement, au désespoir de Tifo, c'était pas très très bon. Yves, par contre, il sort bon, peut-être 2-3 prises assez correctes. En vrai, il s'en sort pas trop mal, mais le match est vraiment pas bon. C'est peut-être pas le pire de l'année, mais c'est un des moins bons matchs de l'année entre deux divas à peu près corrects. Je veux dire, si on enlève les Rosa Mendes et compagnie. Mais ouais, non, vraiment, le match était pas top, et d'ailleurs, on le voit sur la nouvelle prise depuis le retour de Layla, là, son double jump dans le coin du ring, c'était limite. Donc, c'est pas un match qu'on essaiera de se remémorer dans quelques années. Et puis, le jeu d'actrice de Caitlyn est quand même sacrément mauvais. On a l'impression que. Je sais pas ce qu'elle avait pris sur le pied, mais c'était sacrément nul. Bon, en même temps, c'est sûr que vu son expérience, voilà quoi. Fait un peu son maximum, on va dire. Mais bon, après, c'est logique. Et Yves, elle a gagné le reality show là, qui avait fait un petit peu débat là aux États-Unis avec plusieurs célébrités. Donc, Le Diva Search. Mais Yves. Non, Stars and Ernst Street. Il y a aussi une Diva Search. Le truc dans le cas. Oui, mais non, mais je parle d'un truc tout récent. Moi, je ne parle pas du truc d'il y a quelques années. Ça ressemble à Fear Factor là. Ben, en pire, enfin, c'était dans un camp militaire, des vraies épreuves militaires, quoi. Sauter d'un hélico, intervenir avec un vrai pro et tout, ça fait beaucoup débat, ça. Beaucoup entendu parler d'un truc sur NBC. Ben, c'est ce qui décide pour moi la victoire d'Yves, parce que du coup, elle a gagné quand même beaucoup de médiatisation, et puis ça ne peut que servir la division d'Iva qui, justement, là, malgré Layla, bon, sa bonne volonté, j'aurais rapproché la division par équipe, c'est-à-dire que c'était devenu littéralement inexistant. Donc, avec Yves, ça peut avoir qu'une meilleure place, hein, parce que Yves, elle est beaucoup plus médiatisée à partir de sa victoire déjà dans le show quand même sur NBC. Donc, Victoire ultra logique. C'est quand même un des gros avantages de Eve par rapport à d'autres divas, comme par exemple Alicia Fox, c'est que médiatiquement elle est quand même beaucoup plus forte et beaucoup plus importante vis-à-vis de la représentation de la compagnie vers l'extérieur. Elle représente la compagnie au niveau des divas, et à mon avis c'est ce qui lui permet peut-être d'obtenir de si bons règnes parmi les différentes feuds de la WWE. Alors en plus, il y a Smart, il y a toujours réussi. Hein. Voilà, moi je te laisse parler avec lui. On va essayer d'aller vite, Tifo, on va passer au match suivant parce que j'ai trop envie de m'attarder sur les divas. Moi je veux juste dire c'est un scandale, voilà. Voilà. Qui a gagné dans les pronostics pour donner la bonne la couleur de la tenue de Caitlyn? Personne. Tout le monde est tout noir, hein, mais bon. Tout le monde a eu le point parce qu'elle a pas pris le match. Elle a pris un bon match. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer au sixième match de cette soirée. Entre Sheamus, Alberto Del Rio, Alberto Del Rio avait deux managers pour le coup, Ricardo Rodriguez, bien évidemment, et David Otunga. C'est pour le World Heavyweight Champion, ça a duré 14 minutes et 25 secondes, et Sheamus l'a emporté grâce au broad kick qui avait été une fois de plus débanni par Booker T juste avant le combat. Bon, on s'y attendait à ce que Booker T arrive et dise que ouais, le broad kick, en fait, il est pas banni, il est autorisé. On m'a attendu un petit peu. Sheamus a conservé ce titre assez logiquement, même si son règne n'est pas terrible. Quoi. Je m'ennuie un peu dans son règne. Je le répète, hein, à mon avis, le Ziggler va cacher et plus rapidement qu'on ne le pense. Je vais prendre l'avis de MP. Je me prends un peu au dépourvu avec moi qui, habituellement, oui. Je fais ma réaction en dernier, mais là, ils sont pas ce premier, non. je suis un peu dépourvu, mais je suis un peu déçu qu'il justement on a débanni le broad kick en début du match parce que justement ça aurait été un élément qu'on aurait pu jouer dans ce match-là, justement ça aurait pu faire différent des autres matchs, mais voilà, je pense que c'est un peu logique justement parce que avec cette situation que Dario n'était pas prêt et que ça fait très pas professionnel de la part de Booker T de remettre le broad kick en place juste avant le match. Je pense que ça va mener un autre match à NSL. Je l'espère le dernier, mais parce qu'il faut que ça finisse un jour cette rivalité, même si je pense que plusieurs ont l'air de critiquer beaucoup cette rivalité. Je ne trouve pas horrible non plus, mais je veux dire, toute chose a une fin et je pense que c'est un bon moment à NSL, surtout avec les 6 semaines d'espacement entre les deux pay-per-views, ça laisse beaucoup de temps pour préparer les choses, donc pour faire un bon dernier match, pourquoi pas, mais ouais, ce match-là, je pense que on était meilleur que les deux derniers, surtout celui sur Mastam avec cette fin un peu, je dirais pas horrible, mais un peu qui laissait à désirer, donc voilà, je pense que c'était le meilleur des trois matchs qu'ils ont eu en pay-per-view. J'en suis sorti quand même satisfait. Je pense que Sheamus donne toujours de bonnes performances. Del Rio, sa recette particulière de travailler le bras à chaque fois, ça fonctionne bien. C'est un peu la recette un peu aussi avec Cena qui a toujours sa recette, mais ça fonctionne bien. Ils l'ont éprouvé plusieurs fois cette recette-là. On voit que ça fonctionne. Donc c'est un match qui était sympathique et qui faisait aussi qui continuait cette lignée de bons matchs en Super View, et on va ensuite passer au main event plus tard. Ça, je pense que ça va être cool d'en parler, je pense, parce qu'on a plusieurs avis différents. Donc, je vais laisser la parole aux autres pour ce match. Oui, alors moi, je suis quand même assez d'accord avec toi sur le fait que c'est quand même le meilleur affrontement entre les deux lutteurs, parce que moi, c'était quand même assez médiocre ce qu'on avait vu à No Way Out et à Money in the Bank et à SummerSlam. Maintenant, on voit que, enfin, à mon avis, l'affaire est terminée. Je ne vois pas encore 6 semaines de feu entre Sheamus et Del Rio. J'en veux plus de toute façon de ce feu. Elle était quand même assez mauvaise. Parole à Vincent. Eh ben moi, je suis d'accord aussi avec vous que c'est le meilleur des trois matchs qu'on a eu en pay-per-view. J'ai envie de dire heureusement parce que les deux autres étaient vraiment pas bons. Alors je trouve ça ridicule de débannir le broad kick, sachant qu'on nous a fait chier pendant un mois pour qu'il soit banni. D'ailleurs, j'ai bien aimé le segment qu'ils ont fait avec l'avocat de Sheamus et Otunga qui représente Rodriguez. Sheamus. Ouais, le tout segment, la tournée, que Sheamus donne un bro kick dans la caméra. Bref. Non, moi, je trouve ça ridicule. La rivalité me fait chier. Et malheureusement, je vois un Hell in a Cell pour finir la rivalité. Parce que je vois pas Ziggler affronter Sheamus à Hell in a Cell. Pour débuter une rivalité, c'est pas terrible. T'as aimé quelque chose dans le pay-per-view? Oui. Oui, j'ai aimé le Norton Ziggler, le main event et le match US. Tu peux plus dire que t'aurais aimé le match des Divas, hein, ça aurait été cohérent avec ce que tu dis tout à l'heure. Ah non. Donc maintenant on va passer aux réactions des différents fans qui nous ont envoyé leurs avis par Facebook à l'adresse Wrestles Radio sur la page Wrestles Radio de Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer vos prochaines réactions pour les prochains pay-per-view. Et on commence tout de suite sur les réactions sur le dernier match de Sheamus pour Lucas Assom. Le règne de Sheamus est pour lui ennuyant, mais heureusement le main event remonte quelque peu sa déception sur ce match. On a plutôt Lucas Vucinic qui veut revenir sur l'utilisation du pro kick. Pour lui, le débannissement du Brocky par Booker T va donner une suite, une feud entre les deux, et donc on n'est pas prêt de voir la fin entre la feud de Del Rio et de Sheamus, avec pourquoi pas un match lors de Hell in a Cell. On sait que Del Rio s'en sort plutôt bien en Hell in a Cell, Sheamus s'en passe de devenir un spécialiste, donc ça peut vraiment être un bon match. On a aussi d'autres réactions, notamment Pierre Horto qui est d'accord avec Del Rio et le patron, donc sur le match, pas sur le match, sur l'histoire du débannissement du Brokick. Et donc, pour l'instant, les fans qui nous ont envoyé leurs réactions ne sont pas particulièrement enthousiastes vis-à-vis de l'histoire sur le débannissement du Brokick. Bah, je comprends, hein, franchement. Hein. Enfin, je comprends vraiment parce qu'on nous fait toute une histoire avec, comme le disait Vincent là, tout à l'heure, un segment même avec des avocats. Pour venir David Otunga là, avec son café. Même Christian qui participe aussi un petit peu. Enfin voilà, pour rien du tout, quoi, à l'arrivée. C'est un peu n'importe quoi. Pour moi, c'est une nullité complète, là, cette rivalité, sans aucune imagination. Bon, moi, j'ai pas vu SummerSlam, j'ai vu No Way Out. Bon, pour moi, j'y vois pas vraiment d'innovation dans le combat. Bon, donc voilà, à partir de là, bah, je suis très, très déçu parce que bah, j'aime bien ces deux-là, mais bon, ensemble, il n'y a pas vraiment de grains supplémentaires, je dirais, dans un match. Et puis en plus, quand tu mets pas le coup de folie du bro kick qui ne peut pas être utilisé, alors là, c'est sûr que là, t'as tout gagné, quoi. Niveau imagination, c'est zéro, quoi. Bon, enfin, voilà. Bon, moi non plus, j'ai pas trop apprécié, quoi. Ah bah, moi, c'est un petit peu l'inverse. Ne me demandez pas pourquoi, mais je trouve que c'est le meilleur affrontement des trois derniers pay-per-view qu'ils ont eu entre Sheamus et Alberto Del Rio. C'est celui-là que j'ai préféré. Je suis incapable de vous dire pourquoi, mais... J'étais un petit peu dans l'action tout au long du combat. Et... Moi, ça m'a plu. Ouais, après, il fallait peut-être y être dedans. Je sais pas, cet échange de soumission, peut-être, je sais pas. J'y suis jamais rentré, moi, perso. Peut-être que j'attendais, en fait, le cash de Ziggler à la fin, peut-être, je sais pas. Mais... En tout cas, moi, ça m'a plu. Quoi. Non, moi, c'est bon. Ouais, j'ai tout dit. Comme je te disais, c'est bon, j'ai tout dit. Et Tifo, je crois qu'il voulait pas réagir. Non, parce que cette rivalité me gave, donc voilà. D'accord. On va passer au main event, messieurs. Alors, on est désolé quand, parce qu'on a beaucoup de soucis techniques. Là, je ne sais pas pourquoi. C'est parti, on va pouvoir passer au main event de ce pay-per-view entre CM Punk et John Cena. Le match a duré 26 minutes et 55 secondes. C'était pour le titre WWE. CM Punk était bien évidemment accompagné de Paul. Et comme l'année dernière, ça nous a sorti un match de folie. Les matchs contre Cena sont toujours excellents au pay-per-view. Je suis désolé. Je le maintiens, vraiment candidat au match de l'année, du suspense, franchement, donc, du suspense, il aurait pu tout arriver dans ce match, hein. CM Punk qui nous sort un Robotom, c'était bien vu, pour la fête qui apparemment prépare aussi un truc à Rock, et pour la fête qui est aussi à Rock, j'ai trouvé ça plutôt cool. Cette avalanche de finishers en fin de match, moi j'ai kiffé personnellement, ça va être... C'est quelque chose qu'on voit pas souvent et une fois de temps en temps ça fait pas de mal. Moi je me suis vraiment régalé durant ce combat et pas quasiment pas une seconde à acheter quoi. Parole à Tifo. Ouais bah honnêtement je te rejoins en général. Bon il y a juste au début où ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place on va dire. Mais au final on a un très bon match. Moi aussi j'ai adoré le coup de tous les finishers et tout, on a vu ça la dernière fois, c'était à WrestleMania pour Undertaker Triple H, il me semble. Mais là, oui, c'était vraiment intelligent de faire ça. Moi, j'ai bien aimé. Et le petit clin d'œil au Rock avec le Rock Bottom qui a été très très bien porté par CM Punk, j'ai trouvé. Il a belle intensité, pardon. Respect aussi à Cena qui a lutté quasiment tout le match avec une entorse à la cheville. Et bah, franchement, respect parce que ça s'est pas vu du tout, quoi. Cena qui nous sort même un topé suicida pendant le combat, quoi. C'est juste énorme. Bah oui, aussi, carrément. Après, le seul bémol que je mettrais à ce match pour le candidat au match de l'année, ce serait la fin. Je trouve que non, ça se finit mal. Le match, il est quand même intense. Ouais, c'est clair, mais la fin m'a pas emballé. Je trouve que conclure un match, un très bon match comme ça là-dessus, ça m'a un peu dérangé. Mais par contre, j'ai vraiment cru que Cena avait remporté le titre à la base. J'avais pas le coup des épaules de Cena arrivé au sol, j'avais pas vu. Et après, j'étais content au final de voir que Punk avait conservé. Donc, ouais, bah, très bon match. Juste un petit peu déçu sur la fin, quoi. Oui, je vais enchaîner sur ce match-là qui est quand même très bon match. Je pense que tout le monde peut le dire. Je vous rejoins quant à la fin et que cette vague de finishers qui, ma foi, était également très bonne de mon côté. J'ai trouvé parfois qu'un match à une vague de finishers comme ça, c'est un peu, comment dire, tu peux décrocher un peu du match quand il y en a trop, justement. C'est justement ça, des fois, mon problème avec la Roach, justement, quand je regardais un de leurs shows cette année, je crois que c'était l'Anniversary Show, mais je ne me rappelle plus au combienième anniversaire ils sont, je crois au 10e anniversaire. Donc, il n'y avait pas un tag team match pour finir. Donc, voilà, c'était. Il y avait aussi une grosse vague de finishers comme ça, et ça ne finissait plus, je crois, comme 45 minutes de match avec. Dernier 10 minutes de finisher, donc, ou même plus, donc voilà, ça finissait plus. Mais là, dans ce match-là, je pense que ça a été bien fait avec bonne utilisation de toute la palette des moves, sauf le moonsault qui est un peu raté à la fin par CM Punk, mais en général, je pense que ça a bien été de ce côté-là. Je répète aussi les propos de Tifo. Je respecte pour John Cena aussi, quant à sa blessure, il continue quand même le match. Il y a aussi la règle un peu. Dans cette discipline que tu ne peux pas quitter ton match même si tu es blessé. Mais on peut se rappeler par exemple Triple H qui fait une blessure au quadriceps dans un tag team match à Raw en 2001 qui était en équipe contre Steve Austin contre Jericho et Benoit. Et les dernières 5 minutes, ils ont fait carrément blessé au quadriceps. Et il y avait même Jericho qui a fait le Rise of Jericho et pendant que tu parlais chez blessé au quadriceps. Donc c'est un peu une règle dans la lutte justement de toujours finir son match. Et John Cena qui s'est quand même blessé très tôt a continué son match au complet, donc ça c'est vraiment un chapeau à lui. Et en plus ça fait Raw le lendemain, donc c'est quand même quelque chose de ce côté là bah oui, je pense que pour résumer le tout, je pense qu'on peut dire que c'est un des grands matchs cette année qui va sûrement se retrouver dans les nominés des Wrestle Radio Awards. Et j'espère, justement, vous avez critiqué cette fin. Moi, je pense que d'un côté, c'est la bonne chose parce que ça va faire un rematch à NSL c'est un rematch à NSL, c'est pas sûr encore avec la blessure de Cena. Je l'espère qu'il va réussir à le faire, mais du moins, s'il ne réussit pas à arriver à temps à NSL, j'espère qu'ils vont être assez intelligents pour faire un rematch à Survivor Series. Parce que cette feud-là n'était clairement pas terminée, vu la fin de ce match-là et ce qui s'est passé à Raw ensuite. Donc, je ne crois pas qu'on a vu le dernier match cette année entre ces deux-là. Surtout que même si Cena ne fait pas NSL, il va retourner ensuite. Donc, même si, par exemple, il n'y aurait pas de NSL entre les deux, il pourrait encore nous sortir un match avec une stipulation pour Survivor Series ou un autre grand match. Ils n'ont pas vraiment de stipulation, en fait. Ils n'ont pas vraiment besoin de stipulation, en fait, parce que c'est tellement deux grands catcheurs qui ont compris tout catch. Donc, voilà, je crois que c'est un peu même si c'est un peu dommage de passer sous cette stipulation-là de NSL. Je pense qu'ils peuvent quand même faire très bonnes choses, comme on avait Money in the Bank et SummerSlam. Donc voilà, je crois que j'ai fini mon commentaire et que les autres vont pouvoir prendre le temps d'antenne que je bouffe avec toutes ces années-là. Je crois que tu as surtout fini ton monologue, MP, on va dire ça. Exactement. Merci, MP. Parole à Broustie. Bah, moi, je partage en partie votre enthousiasme, pas totalement. Je vais être un petit peu, rabat-joie. Denier, oui, voilà, ouais. Rabat-joie. Moi, je sais pas, je suis pas un adepte, mais bon, ça c'est personnel. Je veux dire du catch à tout va, finisher. Surtout quand le mec il se prend deux finishers à la suite, il se relève d'un coup et puis. Il t'inflige une séance très intense d'un coup, c'est un peu limite, je trouve. Moi, je suis plus adepte des matchs construits et celui-là, j'ai trouvé assez moyennement construit, même s'il est très bon au demeurant. Et une séquence de CM Punk, d'habitude, qui a tendance à rater l'elbow drop, là, ce coup-ci, la séquence était très très bonne. Voilà, après, le match reste bon, mais pour moi, c'est en deçà de leur prestation, par exemple, l'année dernière. À Money in the Bank, là, pour comparer, par exemple, un match SEM, c'est vrai qu'ils font du bon spectacle, mais c'était pas le niveau de l'année dernière. Non, mais moi, je disais tout à l'heure, j'ai pas dit que c'était le match de l'année. Même si, bon, ça tient quand même le niveau. Attention, je dis ça, oui, non, mais c'est sûr que c'est bon, un des matchs oui, marquants de l'année à WWE. J'ai dit candidat au match de l'année, ça veut pas forcément dire match de l'année. C'est pas pour moi le match de l'année, c'est un des meilleurs matchs, oui. Le match de l'année, c'est Triple H Taker pour moi. Oui, bon, après, c'est vrai que là, je dis certains défauts, mais pour moi, ça reste le meilleur match du pay-per-view, il n'y a pas de problème. Ah oui, ça, c'est clair. De tenir une telle longueur, 27 minutes... 26 minutes et 55 secondes. Oui, voilà, ouais, non, mais c'est quand même balèze. Et puis Cena qui arrive à toujours surprendre avec un nouveau move ces temps-ci, c'est... Ah oui, c'est ça que je voulais rajouter. Ah, après, il a fait un signe au public. Signe 6 à la main. Je ne sais pas si vous avez pris le truc. Non. En fait, il a fait un 6 au public, comme quoi maintenant il avait un nouveau move, et au lieu de 5, il est passé à 6. D'accord. Ah, d'accord. Ah, oui, non, mais c'est vrai que lui, il adore ironiser sur ça. C'est vrai qu'il joue beaucoup avec ça, de toute façon. Bon, il est habitué à être controversé depuis le temps. Hein, il est habitué, mais dans le match, ça m'a beaucoup fait rire, en tout cas. Ah, c'est vrai que c'était connu. Le dropkick, c'était le 5e, donc là, c'est le 6e, le top suicida. Ouais. Mais. J'étais surpris quand il a fait ça. Non, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de bravoure oui, de John Cena, d'autant qu'on apprend que le surlendemain, il se fait quand même opérer au coude et qu'il en a pour 6 à 8 semaines. Donc, bon, ça veut dire qu'il était quand même un petit peu blessé aussi au coude au départ, il me semble. Donc, et quand même, le match était physique, il était quand même engagé. Donc, c'était pas mal. Enfin, il y avait quand même une séquence à l'extérieur avec la famille de John Cena qui était très proche, par exemple. Ça, c'était assez physique dans ce coin-là. Donc, c'était pas mal, il y a eu pas mal d'engagement des deux. Après la fin, moi je la trouve hyper normale. Elle est quand même assez rapprochée d'un certain Punk Bryan d'il y a pas si longtemps que ça. Elle me surprend pas du tout parce que de toute façon, CM Punk n'allait pas gagner clean et puis Cena ne pouvait pas gagner, sachant qu'il y a Hell in a Cell prochainement. Donc, Night of Champions ne ferme pas les rivalités, mais. Bon, là, évidemment, le hasard a décidé autrement que cette rivalité est un petit peu reportée, mais sinon, moi, la fin me choque pas, elle est hyper logique. Voilà. La parole à Vincent. Bah, je suis Broussi, parce que d'ailleurs, tu m'as piqué tous mes arguments, salaud. Salaud. Parce que j'aime pas trop non plus les fins de match où tu mets plein de finishers pour faire monter l'ambiance, même si quand c'est bien construit avant, ça me gêne pas, au contraire. Mais là, j'ai trouvé que c'était pas trop. Pas trop judicieux. Après, je sais pas trop ce qu'il va le faire avec Polyman. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on n'a pas non plus cité le t-shirt de John Cena. Ah oui, c'est vrai, oui, parce que pour un mois jusqu'à octobre, la WWE s'engage dans la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est pour ça que vous voyez un nœud rose, par exemple, les cordes qui étaient roses et blanches. Et donc la nouvelle tenue de John Cena, il n'aura pas l'occasion de beaucoup la montrer malheureusement, vu sa blessure, mais c'est vrai que c'est une bonne initiative. Il va rester à la télé, non? Je sais pas, essayer d'apparaître, mais bon. C'est prévu aussi, c'est prévu. Bah, d'ailleurs, là-dessus, il y a une question un petit peu bête, c'est que le cancer du sein, ça peut considérer aussi les hommes. Ça peut toucher, pardon, les hommes. Alors bon, mettre un t-shirt peut-être aussi rose et aussi féminisé, c'est peut-être un petit peu spécial. Mais bon, c'est juste un petit avis. comme ça. Oui, comme ça. C'est pas une mauvaise action. Ça touche plus particulièrement les femmes, et c'est pour ça que le rose, c'est le symbole, tout ça. C'est cliché, tout ça, mais bon. Oui, non, mais cette association, elle est comme ça, hein, de toute façon. Voilà, c'est le symbole. C'est le geste qui compte. Quoi. Oui, voilà, les brassards roses et tout, voilà. Parole à Sébastien. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir autant apprécié une performance de John Cena. Il a clairement remonté dans mon estime. Il a sorti des prises que j'ai jamais vu Cena faire. Je pense notamment au Suicide Dive qu'il a effectué sur CM Punk. Après, pour le t-shirt, comme Vincent l'a dit, ça reste un très joli message quand même. Même si le t-shirt est un peu moins marketable à mon sens. Je vois pas les gamins se promener avec ce t-shirt là, mais enfin. Ça reste quand même un joli message de soutien et pour la fin du combat, ça me gêne pas plus que ça parce qu'il fallait faire en sorte de pouvoir faire un rematch au prochain pay-per-view. Donc c'est compréhensible. N'empêche, je reviens rapidement juste sur une image qui avait un gamin, il était littéralement en larmes à la fin du match. Alors, ça aussi, de faire le match à domicile, parfois, ça forcément les plus jeunes fans de John Cena ont du mal à gérer. On va passer aux réactions Facebook. Merci. Allez, c'est parti, vers la tienne aussi, je sais plus si tu l'as donné. Moi j'ai trouvé que c'était un combat assez correct. De toute façon, je me suis pas enflammé non plus pour ce match. Je trouvais que c'était assez simple. Non, j'aime bien Cena quand il se débrouille bien. Par contre, j'aime moins Punk. C'est un peu moins courant, mais je suis pas un très grand fan du Straight Edge. Et encore pire quand il est en période heal, parce qu'en période heal, de toute façon, ça a toujours été quelque chose d'assez mauvais. La Nexus, c'était mauvais. La SES, c'était mauvais. Donc, de toute façon, Punk, moi je le vois partout sauf en heal. Toutes les réactions au niveau du Facebook. On a d'abord Mathieu Tavernier qui nous dit que c'était un très bon pay-per-view dans l'ensemble et il pointe un énorme main event entre Cena et Punk, mais par contre il regrette que ça se soit fini en match nul. Et oui, malheureusement les faces ne peuvent pas toujours gagner. Encore, le match nul n'était pas trop mal amené, non ? Non, il était plutôt bien. On a une deuxième réaction avec Del Rio El Patron qui qualifie aussi ce combat entre Punk et Cena d'énorme combat. Il avait bien peur que la qualité du match soit assez moyenne et finalement il était agréablement surpris. Par rapport à la feud de 2011, il trouve que ce match est encore meilleur. Alors je serais peut-être pas aussi d'accord, je trouve pas que le match de Night of Champions 2012 est quand même meilleur que celui de Money in the Bank 2011. Je trouvais quand même que la référence maintenant de presque une heure de Money in the Bank 2011 était quand même au-dessus de celui-là, non ? Oui, voilà, ouais, comme je disais, voilà, je suis d'accord. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Bon, par contre, également, il pointe aussi que globalement, sur ce pay-per-view-là, on a eu beaucoup de matchs qui avaient déjà été faits ces derniers mois, donc notamment le Ziggler Orton qu'on a déjà vu, le Sheamus Del Rio et le Cena Punk. Donc c'était un petit regret, mais quand même, Night of Champions 2012 reste quand même un bon cru. Après, on passe à la réaction de Luka Vucinic, qui a trouvé que le Cena Punk était un bon match, même si le style de catch de Cena ne lui a pas plu. Il espère voir Punk conserver le titre encore pendant très longtemps, jusqu'au Royal Rumble, et il espère même qu'il affrontera le Rock à WrestleMania. Pour l'ensemble du pay-per-view, il met la note de 8 sur 10. On passe maintenant à la réaction de Pierre Orto, donc concernant le match Punk-Cena. Il a trouvé que c'était assez dérisoire, parce qu'il a eu l'impression de revoir la même chose que l'année dernière, mais aussi il n'était pas franchement ravi de voir Polyman faire copain-copain comme il le met avec Punk. Et il ajoute même que depuis 2006, Punk s'était démarqué de Polyman et donc il ne trouve pas légitime de voir Polyman prendre sous son aile CM Punk. Il préfère voir Polyman avec Brock Lesnar. Je suis d'accord. Attends, je vais juste finir. Je vois pas pourquoi on fout Polyman avec CM Punk. CM Punk n'a pas besoin d'un manager, bordel de merde, si se débrouille tout seul. C'est peut-être une demande de CM Punk. Ah bon ? Oui. Ah ouais. Non, ça c'est pas impossible en effet, oui. Clairement, là on est quand même dans le réel aussi. Polyman avait été évoqué par CM Punk lors de son fameux discours il y a un an. Polyman, c'est quand même celui qui a fait venir CM Punk à l'époque. C'était fin 2005, je crois, ou tout début 2006 à l'ECW. Et donc. Il y a quand même un lien entre les deux, donc moi je trouve que ça peut faire rebondir justement ce personnage d'huile qui s'essouffle, donc je trouve logique. Et voit que Lesnar, il a vraiment très très peu d'intervention prévue, donc c'est pour ça. On a à peu près fait le tour de tout le pay-per-view, non ? Plus personne a un avis ? Non, après on va vite passer aux notes. Et donc dans les notes, donc à part la note de 8 sur 10 qui avait été donnée précédemment, on a en conclusion Kevin Delaunay qui nous met que pour lui c'était un show équilibré à tous les niveaux, le meilleur depuis Extreme Rules 2012, et sûrement avec un Money in the Bank candidate en main event avec cette fin controversée qui donne envie de voir la suite. Et donc on remercie donc tous les auditeurs qui nous ont permis d'étoffer notre analyse du pay-per-view Night of Champions 2012. Donc on rappelle leurs noms, on remercie tout d'abord Mathieu Tavernier, Del Rio El Patron, Lucas Ao Asomwan, pardon j'ai eu un peu de mal, Lucas Vucinic, Pierre Horto et Kevin Delaunay. On passe aux notes, quelle était votre note messieurs? Oh, c'est mon travail. Ah, je te pique un petit peu. T'es juste consultant web. Ouais, je suis la palette Ressels d'après Kevin. C'est bien, hein? Nouveau poste. Ouais. Allez, on va donc passer aux notes. Je vais ouvrir la calculatrice de mon téléphone portable. Et là, je vais prendre la note de Brousty. Moi, bah, je dirais 7,5 sur 10. Voilà, parce que c'est quand même un pay-per-view intéressant, manquant d'imagination, la composition des matchs, mais ils ont donné leur maximum. Donc, bon, sauf un match qui m'a déçu, donc, comme j'ai dit précédemment, chez Mus del Rio, mais sinon... Enfin, très intéressant parce que vu le manque d'imagination de la carte, vraiment chapeau d'avoir sorti ce spectacle. Alors Tifo est parti, je crois qu'il devait s'en aller, donc on lui dit au revoir de sa part. Il avait mis 7 sur 10. 7 sur 10, pas 7,5? Non, 7 sur 10, ouais. Regarde, si, si, j'en suis sûr. Si. Et il y a aussi la note de Kevin, d'ailleurs, c'est 7 sur 10. Oui, c'est... Ah oui, 7 sur 10, effectivement. Donc Tifo il donne 7 sur 10, plus donc 7 pour Kevin également. Kevin qui dit que Night of Champions, ma foi intéressant, même si la fin du Punk Cena oblige du coup à une suite avortée. Voilà. MP. Bah, c'est simple, 8. Je vais expliquer ça par un peu de pourvu qui a été quand même très satisfaisant au niveau qualité de match, même si il y a des matchs un peu moins bons, des matchs un peu meilleurs, mais dire globalement, il y a un peu de déception. Le pay-per-view qui était un des meilleurs cette année, je pense, dans sa globalité. Ils n'ont pas de. N'ont pas, je dirais, par exemple, un pay-per-view comme No Way Out qui a été aussi que ça, des matchs un peu meilleurs, des matchs un peu plus moyens. Donc, voilà, c'était, je pense, un pay-per-view qui a quand même été. Qui a bien parti, qui a pris cette lancée, qui s'est propulsé vers le main event avec tous des bons matchs selon moi. Donc, il n'y a pas eu de grosses déceptions, comme j'ai dit, peut-être à part le match, je ne dis pas que je n'ai pas vu et qui ne semblait pas très bon selon vos dires. Donc voilà, je donne un 8 et j'espère qu'on aura une meilleure moyenne que No Surrender. Je crois que ma note est 4,5. Sébastien. Moi, je vais mettre un 7,5. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas autant apprécié un pay-per-view WWE. Il n'y a pas d'événement majeur, mais il y a de l'action très solide dans le ring, donc un bon 7,5. Vincent. Oh là, je vais être à note la plus faible parce que j'ai moyennement apprécié le pay-per-view. Je trouve qu'au niveau des rivalités, on aurait pu avoir mieux parce que c'est Night of Champions, mais je trouve que les ceintures secondaires sont pas terriblement mises en avant. Donc je mets 5,5. Oh, wow. Tu es fou. Oui. Oh, bon, après, c'est son avis. On a quasiment pas eu un mauvais match, quoi. Donc ouais, mais peut-être que Vincent, tu es fou. Ouais, mais Vincent sanctionne peut-être le manque d'imagination, peut-être des affiches. Non, mais fou, oui, fou. Bah oui, parce que chez Mus del Rio, c'est la troisième fois alors qu'on n'a pas vraiment d'évolution. Point que Cena, je trouve qu'on aurait pu avoir mieux au niveau de la rivalité. Au niveau des matchs, vous avez dit qu'il n'y a aucun match mauvais. Le match des Divas est mauvais. Le match par équipe n'est pas terrible. Le match par équipe n'est pas terrible. Et le match par équipe est divertissant. J'ai pas aimé la fin du main event. Voilà, j'ai pas aimé le poids lourd. T'as rien aimé. Bah si, j'ai aimé des trucs. Mais il y a juste des matchs que j'ai pas totalement aimé, voilà. Vers pas. 6,75. Pas mal. Oula. Sérieux, avec ton 75, je vais pas mettre 7. C'est pour te compliquer dans les calculs. C'est un salaud, ce type. Non, je voulais pas mettre 7, parce que 7, pour moi, c'est quand même une bonne note pour un pay-per-view. Mais là, je trouvais que c'était très proche d'un bon pay-per-view sans être totalement bon, parce qu'il y avait quand même quelques petits trucs qui manquaient. Hein. J'aurais mieux aimé voir un bon Sheamus del Rio, parce que ça manquait un petit peu. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à la note finale. Ma note. Suspense. S'il te plaît. Alors moi, j'ai donné la note de 8,5. Tu voulais mettre 9 initialement. Je voulais mettre 9. Ah, tu me l'avais dit, oui. Ah oui, je vais mettre 9 du coup, mais voilà. Non, je me suis vraiment éclaté durant tout le pay-per-view, mis à part bon pour les divas. Vraiment candidat au pay-per-view de l'année. Quasiment pas de mauvais matchs. voire aucun. Le match par équipe divertissant, le premier match pas mauvais non plus, assez fluide même, je dirais. J'ai bien aimé la petite équipe qui se met en place entre André et Sin Cara. J'ai bien aimé le match pour le titre S, même pas mauvais non plus. Le match moyen, c'était quand même le match pour le titre poids lourd, mais je crois que c'est la rivalité qui me branche pas, parce que le match n'était pas non plus dégueulasse, quoi. C'était quand même la meilleure affrontation entre les deux bonhommes. Et donc le main event, quoi, juste exceptionnel, avec du finish, comme on n'en voit pas souvent, juste peut-être la fin, c'est vrai, peut-être la fin controversée. Mais justement, ça ajoute un petit peu de piment au match à mon goût. Alors, combien on est à voter, messieurs ? Et il y a eu un vote aussi de Facebook, non, il me semble. Non, on va pas le mettre. Là, 7 sur 10, le vote de Facebook. Mais si, allez. C'était 8. Non, on le met pas, déjà, on est trop. 6, 7, 8. Alors, il y a... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Divisé par 7. Alors... Mais non, par 8, oh. Par 8. De quoi, par 8 ? Mais on est 8. Il y a la note de Tifo aussi. 3, 4, 5, 6. Merde. Couper ça. Émission PG, oui. Bon. Eh, je peux pas. 58-25. On va tout refaire à la radio. Je prends. Divisé par 8. Voilà. Heureusement que ce n'est pas du calcul mental. Je crois que Gus, il a dû faire la rentrée en maths sup, je pense. Oui. La moyenne, elle est de 7,28. Merci Vincent, t'as pouillé la moyenne. Moi, c'est trop. Non, mais chacun son avis. Un niveau d'exigence, ça pas mettre trop. Mais si Aline Sel est meilleure, par exemple, tu mettras 10,5. C'est quand même... Sur l'ensemble qu'on a vu dans l'année, c'est quand même le meilleur pay-per-view hors de sa main. Bon, oui, pour l'instant. Je vous rappelle la note que j'ai mis à Night of Champions l'année dernière, vous allez rire. Non, mais c'était horrible l'année dernière en général. J'avais mis 2. Vous voyez, oui, le changement. C'est toi qui la faisais descendre l'année dernière, qu'on croit. Ah ouais, c'était pour l'année dernière. Enfin bon. Bon, on peut passer au bref, oui. Oui, on passe aux quelques brèves en vitesse. Alors attends, juste. Vas-y, Gus. On va faire un petit jingle JBL qui est revenu aux commentaires. Et c'est parti pour le jingle des brèves. Bon, je peux y aller. Ça, je vais le laisser. Allez, let's go. Et on passe tout de suite au bref avec d'ailleurs cette première question qui nous a été posée par Facebook. Une question d'Aloïs Collet. Wrestles Radio, qui sont vos catcheurs préférés ? Donc, on fait un petit tour d'équipe. Vincent, ton catcheur préféré ? Ou tes catcheurs préférés ? Allez, on va faire un top 3. En activité, on va faire. Deux superstars, une diva. Non, pas de diva. Ouais, ce sera mieux. Top. Alors, numéro 1, je mettrai... Steve Austin, numéro 2, Edge, numéro 3. On a déjà en activité, non ? Ouais, en activité, non ? Oh merde ! Refait. Oh, tu fous de chier. Premier, alors CM Punk, deuxième. Deuxième, Austin Aries, et troisième. Brian. Sébastien. Moi, je mettrai en troisième CM Punk, en deuxième, Austin Aries, et en premier, Dolph Ziggler. MP. Bon, bah, premier. Je vais pas surprendre, Y2J. Depuis que j'ai lu ses livres, c'est plus pour moi le même mec que je regardais sur un ring. Après ça, deuxième, bah, je pense que c'est un peu un incontournable en ce moment, bah, CM Punk depuis en fait son heel turn en 2009 contre Jeff Hardy, c'est un de mes préférés. Ça n'a fait que renforcer mon sentiment envers lui avec cette superbe promo en 2011. Donc voilà. Sinon, bah, troisième, je sais pas, je dirais Daniel Bryan, bon troisième, quand même, un de mes préférés aussi. Bon, je dirais quatrième, cinquième, compléter la liste très rapidement. Austin Aries, quatrième, et AJ Styles, cinquième. Voilà. Sébastien. Je viens de le faire il y a 2 minutes. Excusez. Vous aussi, oui. Ah ben moi ça m'arrange qu'MP il en ait mis 5 parce que justement j'aurais du mal. Bon alors je dirais premier Christian, ça c'est coup de cœur vu que bon Edge malheureusement les plus actifs. Deuxième, Chris Jericho, là je partage l'avis d'MP, il n'y a pas de problème. Bon, enfin, parce que j'ai pas encore lu moi sa biographie, je maîtrise pas assez l'anglais. Et troisième, je mettrai Kazuchika Okada. Alors, lui c'est un japonais à la NJPW, ouais. De grand talent, il est jeune. Il est passé par la TNA, mais il faut oublier, il est radicalement pas le même. Hein. Donc voilà, des grands matchs. Bon, je conseille si vous aimez le catch actif, je dirais. Et en 4, je mettrai Daniel Bryan et en 5, Tinaris. Voilà. Et moi, je rajoute une diva, Ayumi Kuriyara. Voilà, encore une japonaise, je sais. les favoris de l'Arpa, après je finirai. Bon, moi, c'est pas dur en numéro 1, de toute façon, Ayumi Kuriyara, hein, depuis de nombreuses années au Japon. On a dit pas de diva. Oh, pop. Et là, en plus, tu me dis que la mienne, c'est pas bien ça. Non, déjà, c'est moi qui te l'ai fait découvrir. Mais je suis sûr qu'Ayumi Kuriyara, à mon avis, elle a plus de talent in-ring que Ted DiBiase. Oui, il n'y a pas de problème. DiBiase plus Ryback, oui. Ayumi Kuriyara, c'est peut-être la meilleure japonaise au monde. Elle a fait CMLL, elle a fait même c'est pas mal. C'est la meilleure japonaise, quoi. En ce moment, oui, c'est peut-être pas la meilleure japonaise de tous les temps, parce qu'il y en a quand même. C'est aussi la meilleure japonaise d'un autre niveau. Enfin, l'atout pour moi, voilà. En fait, elle a un niveau des années 90, sauf qu'elle est toute seule, encore. Elle a le même niveau que les Shiguza Nagayo et tout ça, mais les Bull Nakano. Je suis sûr que personne ne connaît, mais au moins c'est le top mondial des catcheuses de tous les temps. Il réussit à m'accrocher. En numéro 2, je mettrai Dolph Ziggler, en numéro 3, Kane, en numéro 4, AJ, évidemment, et en numéro 5, je mettrai, peut-être Generico. Faut en dire 5. Ouais, c'est bon. Allez, Gus, à toi. Je pense qu'on a 3, c'est bon, hein. On le connaît, le tien, mais bon. Là, c'est le top 5 rigolo. Non, c'est mon top 5 à moi. Alors, moi, je suis fan de Ted DiBiase. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, j'adore. Nous non plus. Je sais pas pourquoi, mais. C'est tombé du ciel. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'aime beaucoup également CM Punk, aussi en second. Après, bon, j'ai... Parce que là, tu me prends. Allez, balance Wade Barrett 3, Ryback 4. Wade Barrett, oui, effectivement, Wade Barrett, dont je suis un grand. Kinderman. C'est plutôt dans ma lutteur. En quatrième, je mettrai Cena. Parce que bon, j'ai beau avoir craché sur Cena ces dernières années. Cena, je commence vraiment à l'apprécier, que ce soit in-ring, en story, enfin, peut-être pas en story, parce que les story WWE actuellement sont pas terribles, mais que ce soit en in-ring, et pour le respect pour le bonhomme qui fait vraiment quelque chose. Excellent pour ses fans et pour la fédération. Et donc en cinquième, ça sera Ryback. Ah, quand même. Super. Ah bon. Je pensais que t'allais mettre Garrett Bischoff. Garrett Bischoff, Ryback, Mahal, Sin Cara, et puis voilà. Non, c'est bizarre. Bon, allez, on va passer au dernier passage de notre émission mensuel, avec notamment des petites infos sur les prochains shows, de la WWE en France. Donc la prochaine tournée aura lieu à l'automne 2012, avec un house show d'ailleurs, d'abord le 31 octobre 2012, avec la tournée de Raw à Strasbourg. Le lendemain, le 1er novembre 2012, nous aurons toujours Raw à Nantes. Et le 1er novembre également, nous aurons SmackDown qui sera présent à Lyon. Donc pour le show de Nantes, nous pouvons déjà vous donner un petit aperçu qui n'est pas définitif, attention, définitif pour ce show, de la WWE. Donc pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, le brouillon de la feuille de match que nous aurions serait en main event un Anything Goes match pour le titre de la WWE, donc c'est-à-dire un match sans disqualification, un Anything Goes match, un match où tout peut arriver. C'est un match sans disqualification qui généralement voit l'intervention d'une chaise, d'un kendo stick ou de, par exemple, comment ça s'appelle, les escaliers. Voilà. On aura aussi un match pour peut-être le titre US entre Santino Marella et Antonio Cesaro. Et on annonce aussi sur la feuille, pour l'instant, la venue de Daniel Bryan, Kane, Tensai, Brodus Clay, Zack Ryder, AJ, Leila et Yves. Tout ça pour le show de Nantes. Pour le show de. C'est aussi valable pour le show. De Strasbourg. Pour l'instant, pour le show de Lyon, nous n'avons pas encore de carte. Pour revenir notamment sur la présence de Philippe Chéreau et de Christophe Ajus, donc, que nous annoncions en exclusivité en avant-première sur le Facebook de Wrestles Radio, sachez que, a priori, Philippe Chéreau a annoncé sa venue à la house show de Nantes le 1er novembre, alors que Christophe Ajus a annoncé sa venue le 31 octobre 2012 pour Raw à Strasbourg. Tout ça, évidemment, pas officiel, mais ils l'ont annoncé, et là nous allons vous annoncer les sources, lors d'un des derniers enregistrements de la NXT sur la chaîne Action. Et voilà, Guillermo Guerrero. Guillermo Guerrero, si tu voulais avoir l'info, allez regarder la chaîne Action, notamment l'un des derniers épisodes de Raw. Et voilà, voici nos sources. Est-ce que tu peux nous faire la météo? Je peux vous faire la météo. En Bretagne, il pleut jamais. C'est un scoop. Voilà. Non, il pleut pas. Il fait très beau. Mais c'est vrai que pour revenir rapidement à la carte, c'est vrai que juste à présent de John Cena, attention, ça peut être le Big Show aussi à la place. Hein. Oui. Faut surveiller, ça dépend en fait si John Cena se remet à atteindre sa blessure ou pas. Enfin, de son opération plutôt, je dirais. Exact. Bon, messieurs, je pense qu'on peut se quitter là après le flash info de l'ERPA. Également qu'il y a des envoyés spéciaux qui vont aller assez chaud, hein, puisqu'il y aura moi et Vincent à Strasbourg, et à Nantes, il y aura Verpa et Tifo. Ouais, que des couples, ouais. Intéressants. Même si je sais pas où je vais dormir. L'hôtel. Ouais, bah ça coûte cher. Strasbourg, c'est pas une petite ville quand même. Hein. À l'hôtel, tu te payes ta fiche de joie et voilà. C'est bien. Oh, mais non, mais si tu te prends à l'avance, t'as un hôtel à 30 euros, sans déconner la nuit. Non, c'est vrai. Hein. Ouais, j'ai regardé ça. 28, hein. J'ai regardé ça alors. Au pire, je t'héberge, hein, je t'ai déjà dit aussi. Ouais, mais ouais, je prends pas, mais au pire, mais oui. Là, Sébastien veut jouer la fille de joie de Vincent. Non. Oui, bon, mais ça ne nous regarde pas. Allez, bon, je pense qu'on peut se quitter avec nos partenaires. On remercie bien évidemment VoxCatch. Alors, on va bien évidemment penser à MCatch qui s'est terminé en fin de saison dernière. Bon vent à Vincent et à Clotilde. On a également donc Twitter, Facebook, Skype pour notre lieu d'enregistrement, notre lieu de recueillement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce que j'ai dit, du catch, instant catch. Ah, instant catch, précision de Vincent. Les deux derniers épisodes concernent Night of Champions avec CM Punk contre John Cena et Dolph Ziggler contre Randy Orton. À voir sur la chaîne sur Deltemotion, voilà. Oui, alors que Verpa s'est en allé avant qu'il puisse dire au revoir. Salut Verpa. C'est quand même le deuxième qui nous fait ça, c'est les deux Nantais, c'est bizarre. Sinon, bien sûr, oui, le forum Wessels. Alors, si vous voulez bien évidemment débattre avec nous, venez vous inscrire sur www.wessels.fr. Il y a bien évidemment la page Facebook, www.facebook.com/wesselsradio. Et voilà. Et nos Twitter, pour terminer, je pense qu'après là, on saura bien. Je crois que Tifo, c'est Hell Tifo, Verpa, c'est Verpa. Avec un accent énorme, le Hell. Yes. Ah, oui. Sauf qu'il n'y a pas de H, rassurez-vous. Hein. Vous pouvez également suivre Edge, qui a rejoint Twitter dans la semaine. Ah oui. Twitter. Donc, le Twitter de Kevin, c'est Kevin Colloc, tout attaché. Alors, il va me rappeler, bon, je vais le faire avec tout. Gloire à la FCB, effectivement, qui revient sur... Ah oui. Alors, sur West Touch, vous pouvez suivre les aventures de la Fédération de Catch Provençal. Bon, qui est une fédération fictive, on le précise bien. Mais quand même, plus que réel, la WWE pourrait pomper les idées chez Kevin, non? Peut-être pas pour les noms, parce que Marcus Calabrin, ça fait bien peut-être français. Donc, le Twitter qui est, donc, c'était bien Kevin Colloc, Brousty, c'est Phililand. Oui. MP, c'est WR Maxime Poulain. Sébastien, c'est Rickelewis67. Vincent, c'est Wachio Vincent. Ou Vincent Wachio aussi. Non, Wachio Vincent, très bien. Ouais. Wachio Vincent. Et moi, c'est Sparta Tiribus. Voilà, voilà. Bon, on peut conclure sur ce, je pense. Oui. Si personne n'a de blague dans le coin, ça, c'est encore mieux. Parce que je sens que. Non, je vais pas te lancer donc. Donc, on se retrouvera un petit peu après l'Inestel qui aura lieu le 28 octobre prochain. Un petit peu avant, parce que c'est vrai que c'est dans 6 semaines, alors c'est possible qu'on fasse un numéro pré-Inestel. Ah oui, de toute façon, il y aura Impact Wrestles, évidemment, sur Bound for Glory. Donc, voilà, donc du coup, il n'y aura pas d'Impact Wrestles. Il n'y aura pas de. Pas d'analyse d'avant l'Inestel. Il y aura deux Impact Wrestles dans le mois. Un pour avant le show Bound for Glory, un juste après. Ouais, mi-octobre. De l'inviter. Oui, peut-être avec des invités, on est en train de réfléchir, même on a même nos idées pour inviter ces personnes-là, donc vous le saurez le plus vite possible. Tu vas inviter Annie Cordy? Non. Non. Merde. Je allez, c'est parti, bon messieurs, on va pouvoir se quitter avec les bye bye blondies. Au revoir, une fashion, allez, ciao tout le monde. Ciao. Moi, à chaque fois que je dis au revoir, je lève la main.